Je vais te mettre une situation, Clément. Ouais, vas-y. Imagine, t'es chez toi. Ouais. Ah, Ouais. ah bah là j'ai Alors envie bon. d'ouvrir la porte là. Bah oui, alors t'y vas. Oui. La... Oh! Tour. Bah, un hurluberlu. Qui est-ce? Qui est à la... Non, excuse. Qui est à la Bah, je porte? sais pas, mais en tout cas. Oh bah non, bah Il fait enfin... que péter. Mais c'est n'importe Non, quoi! monsieur, non, non. Moi, je tolère pas ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? C'était un spectacle? C'était un spectacle. C'est formidable, bravo Jules. J'ai eu Spielberg à la réal. Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le Powercast saison 3, épisode 3. Oui, Bonjour Clément. bonjour, ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes affublés de plusieurs invités. Je Ouais. commence par Valentine. Bonjour Valentine. Bonsoir. Nous avons Théo Chasson, le troisième Théo de l'émission. Troisième, pas plus. Hola, comment va Hola. ça? Et le retour du roi, Arthur, parrain de l'émission. Eh Oui, oui. c'est moi. Glaive à la main. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et On est là. alors, Jules, je veux te corriger, je crois que c'est le quatrième Théo. Quatrième Théo? Ouais. Qui est le troisième? Bah, des Deep Marys, on avait un Théo dans les Deep Marys. Oh là là, mais bien Donc là, ça part sur un joué. puissance 4, là. C'est ça que vous êtes en Là, train de me dire. c'est le meilleur, hein. Je pense que le quatrième, c'est le Exactement. meilleur, après. Bah, la constellation de je sais pas quoi en 4 étoiles, mais ça se fait, hein. Ouais, Ouais, ça se fait. ouais, un hôtel, C'est pas tout à fait. Athéna, la constellation d'Athéna, je crois. Allez, super, c'est pas... Tu me mets ça, là, mets-moi ça. Bon, et aujourd'hui, Jules, du coup, le thème du jour, c'est un thème qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait en saison 2 avec Fabien et Léo. Léo, tout à fait. C'était sur ce film qui, on l'avait appelé, et là, ça va être quoi, Jules? C'est le jeu qui, ou ce jeu qui, Ce jeu vidéo, plutôt, ce jeu d'ailleurs. vidéo, voilà, Ouais, voilà. ce vidéo ludique qui, Qui et t'a quoi? Qui t'a quoi, Jules? Un exemple, je sais qui t'a pris au trip, qui t'a fait verser une larme, j'en sais rien, moi, qui t'a fait casser une manette. Ah Tout est ouais. possible, tout Il est y a un peu de déclinable. passif-agressif quand même là, c'est moi qui... S'il te plaît. D'accord. Allez-y, un peu de calme, c'est nous les patrons ici. Alors, on va commencer déjà pour connaître un peu mieux nos invités, puisque du coup, bah, on a Arthur qu'on connaît, bon voilà, c'est un habitué de l'émission, il a son rang de serviette. C'est le parrain surtout, voilà, donc c'est un peu ton bébé Arthur, donc Il a tu sa connais. gamelle avec son nom marqué dessus. Voilà, du coup bon, on te connaît un peu, mais bon, on va quand même essayer de vous connaître un peu mieux, et surtout pour les deux nouveaux de l'émission, Valentine et Théo, on a préparé, alors c'est nouveau depuis cette nouvelle saison, depuis qu'on est à distance également, et depuis qu'on n'enregistre pas en direct l'émission, c'est la question pour mieux connaître nos invités grâce à maquestion.com. Jules, je te laisse. Alors, en gros, non, alors juste déjà pour expliquer, c'est un site qui regroupe 200 questions pour apprendre à connaître quelqu'un. Point. Ah, donc là, on va vraiment faire les 200 questions? On n'en Non. fait que deux. Que deux. Et vous J'ai allez voir, les deux sœurs. Non, vous allez voir, elles C'est sont trop. assez précises et pas très intéressantes. Jules, je te laisse lire la première question. Très bien. Alors, première question, mesdames et messieurs, sur quoi pourriez-vous faire une présentation de 40 minutes sans aucune préparation? C'est-à-dire sur quoi êtes-vous à peu près incollable? Moi, j'ai ma petite idée et je sais que Clément a la même. Ouais. T'as changé du coup, Clément, ou Non, pas? non, bah j'ai la même. En fait, j'ai pas C'est trouvé la autre même. chose, donc voilà. Bah, on peut, bah, pour commencer, pour inspirer nos invités, peut-être. Jules, ça Alors, serait quoi moi, je ton sais. rôle? Hein. Moi, perso, t'allais dire quoi? Clairement, l'attaque des titans, hein, mec. Moi, tu me laisses zéro prep. 40 minutes, je te parle de l'attaque des titans pendant 3 heures, hein, s'il faut. Hein. Tu Moi, fais je un suis petit parti. PowerPoint, voilà. Un Mais truc pas même pas, dégueu. toi à l'oral, je mime, je fais du théâtre, je te fais une pièce, Ouais. gros, y a pas On de te met quoi. une C'est insulte, tu tout. fais un rap de 40 minutes. C'est vraiment ta life, l'attaque des C'est pas titans. ma life, mais j'avoue que c'est très facile de s'étaler sur le sujet en tout cas. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. C'est très facile. Et Théo, avec d'autres, faisait des lives de débrief de l'attaque des titans quand c'était quoi, saison 2 qui Tout à sortait, saison fait. 3? Je sais pas. Saison 3, on avait fait la deuxième partie de la saison 2 aussi et la première partie de la saison 4. Et on peut retrouver ça où? Sur la chaîne de Ghost Sensei sur YouTube ou sur Twitch. Très bien. Voilà. La petite pub gratuite. Bah ouais, ça fait plaisir. Tout à fait. Ça fait toujours plaisir. Moi perso, ce serait le Marvel Cinematic Universe. Et je C'est suis un peu pareil que toi. facile. Je suis pareil que toi, Jules. Bah oui. On suit ça depuis très longtemps. Je suis un énorme doseur et à vrai dire, à chaque fois que Google me propose des quiz, je les fais. Énorme squatteur. Je peux même que vous dire que Iron Man est joué par Robert Downey Jr. Putain, il est Putain, il est bon. trop fort. Waouh, Je... putain, Pas ouais, le mal. gars, il est Un pointu, puits de quoi. science, C'est un puits de science. Fou. Je t'aime 3000. C'est Oh chirurgical. non. Est-ce que toi, Valentine, tu as une idée de réponse? Alors, ça peut potentiellement, je dis bien potentiellement parce que je suis pas assez, peut-être assez calée sur. J'aime tellement de choses que je ne saurais pas être calée sur un seul sujet, bien sûr. Oh, bah ouais. Mais cela peut potentiellement être le volleyball sur le sujet lequel je peux être la mieux renseignée. Mais si. Mais et tu oui, parles on jamais de volleyball. C'est vrai ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas le comment les instants pour parler de volleyball. 5 ans qu'on se connaît, tu n'avais jamais parlé de volleyball. C'est vrai ça. Je t'ai jamais c'est vu avec ça. Un ballon de volleyball à la main en tout cas. Bah oui. Bah vous ne m'avez jamais vu, mais peut-être un jour. Vas-y, tape un smash. Ah oui, en effet. Ce qui me semblait. Putain, oui, là oui. On l'a pété trois mois. C'est dommage qu'on ait plus l'image maintenant, mais c'est vrai que c'est impressionnant là, le smash était fou. Je suis sans voix après bah, ce on regrette, on regrette les moments où on avait l'image à l'époque dans le podcast. Mais bon. Allez, c'était Arthur, bon et toi, tu as une réponse C'est un sujet peut-être genre qu'on est censé maîtriser ou juste un truc qui nous passionne? Bah, c'est-à-dire que genre là, si on dit fais un exposé de 40 minutes sur tel truc, t'es complètement ok pour ça. Je pense que c'est genre tout le folklore de la Lettonie. Sérieux? Ouais. J'y crois. Ah ouais, vas-y, c'est peu, quoi la capitale mais... J'y crois la capitale peu aussi. De l'Italie, c'est Kiev. Oui, bah, bien joué. Bah, Kiev qu'aujourd'hui. Bah, pas du tout. Tout à fait. Puis pas du tout. Non, franchement, ah, il a vraiment... j'ai pas trop d'idées. Peut-être The Witcher en vrai. Comme ça, à froid, je dirais The Witcher. Le monde, la totalité de l'œuvre ou juste les jeux vidéo? Non, la totalité, les livres et tout ça. Ah ouais, bon bah ouais. Voilà, bon bah voilà, easy. Mais déjà, rien que si tu parles du jeu, je pense qu'en 40 minutes, c'est fait quoi. Il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a un sacré lore. Question 2, oui. Elle est pour moi, lui. Attendez, j'ai un générique pour la question 2. Voilà. C'est court. Gros, c'est un jingle, ça, pour vous. C'est une petite virgule sonore. Deuxième question, à quel travail, donc, autre que celui que vous avez, pensez-vous être vraiment bon? Et là, wow. Je vous pose une belle colle. Là, c'est chaud. C'est chaud à répondre parce que moi, déjà, j'en ai fait beaucoup du boulot depuis qu'on est sorti de la même école, d'ailleurs, que nous cinq, en fait, on était dans la même école. Ouais. Mais genre j'ai bourlingué donc non mais et surtout j'ai fait de l'intérim, ce qui veut dire que j'ai fait énormément de taf de merde. Moi j'étais pas très bon, donc ça va. Tu peux poser 40 extincteurs en 2 minutes, non? Ouais, là ça je suis extrêmement bon pour la pose d'extincteurs. Ah ouais. J'ai vraiment fait ça. J'en connais d'autres dans l'assemblée qui sont très très bons pour faire des jetons de casino. Je dis ça, je dis rien. Ah oui. Moi. Ah. De quoi? De faire des jetons de casino? Ouais ouais, bah quand j'étais c'était au lycée, il fallait que je gagne de l'argent pour payer le permis. Ouais. Que je n'ai toujours pas, bien sûr. Et en gros, bah, je faisais des. Bah, pareil, en intérim, j'allais dans une usine qui faisait des jetons de casino. C'est énorme. Même pas une blague. C'est vrai qu'on n'y pense jamais, il y a des usines pour ça, en fait. Bah ouais, ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, depuis, elle est fermée. Ah. Ouais. La bonne époque. Voilà. Moi, je me vois bien être. Bah, soit animateur, soit musicien, mais un truc dans le genre que j'aimerais. Beaucoup faire et que malheureusement, bon écoutez, c'est pas si facile, mais avec Clément, c'est un peu notre truc. On s'est toujours dit qu'on aimerait bien être embauché par une radio, avoir notre propre émission à sa manière de McFly et Carlito. Mais ça, c'est un peu notre job de rêve finalement. Ouais, c'est pas ouais, ouais. On pensait être vraiment bon. C'est pas nos métiers, mais on pense. Moi je pense qu'on serait pas mal. Oh bah, ça fait plaisir. Je te retourne le compliment, Jules. Bah, merci. Putain, c'est beau. Je pense qu'on aura une synergie pour dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une amitié comme ça. Ah ouais. La bromance. Allez, ça recale un peu. Et toi, Théo, par exemple? Putain, j'étais en train de réfléchir. Ah, en vrai, je sais pas si j'aurais été bon, mais j'aurais bien. Enfin, ouais, bon, je vais aller direct au truc. En vrai, enseigner des maths à bas niveau, parce que j'ai pas un niveau stratosphérique, mais dans l'enseignement, tu vois, genre collège. Apprendre au collège. Collège, ouais. En vrai, cool, tu vois, genre apprendre une matière scientifique, ouais. En vrai, pourquoi pas, tu vois, à des collégiens, en vrai, je pense que je kifferais bien. Ça, j'aurais bien kiffé, tu vois. C'est quand même un délire de voir tous les jours être devant une assemblée de gens et d'avoir le... Je trouve qu'il y a un mental à avoir, quand même. Moi, alors, ouais, après, j'avoue que moi, j'ai plus le côté rapport à l'individu plus qu'à une classe entière. Et je pense que... j'arriverai bien à expliquer les enfin je ferai tout en tout cas parce que c'est un truc qui me déterre tu vois quand j'essaie d'expliquer un truc à essayer de comprendre les cheminements de la personne et lui apporter les outils pour qu'il puisse atteindre la fin de la leçon tu vois genre wow, c'est et beau bon, ce que tu dis J'avais fait un peu l'expérience, mais en cours particulier. C'était une sacrée bricole. C'est-à-dire que moi, j'avais posté deux annonces sur Le Bon Coin. J'avais dit cours de batterie, si vous voulez, et cours d'anglais, je peux aussi en faire. Et j'ai finalement reçu un appel quand j'étais encore en école de ciné. Et une dame qui m'appelle, qui me dit « Oui, mon fils, ça va pas du tout à l'école et tout. » Et je lui dis « Vous m'appelez pourquoi? Pour les cours de batterie ?» Elle me fait « Oui. » Et je lui dis « Mais vous pensez que les cours de batterie, ça va vraiment faire remonter ses notes ?» Elle fait « Oui, oui, oui, oui. » Donc, on se donne rendez-vous, machin, je vais chez eux. Et j'arrive. Faut qu'il tape sur des trucs, là. La mère m'ouvre, elle m'installe à la table de la salle à manger. Donc, il y a moi, la mère en bout de table et le fils devant que j'ai jamais rencontré. Attends, c'était chez toi ou c'était chez eux? J'ai pas capté. C'était chez eux, c'était chez eux. Ok. Donc un peu malaise, tu vois. Et la mère, elle me file le bulletin de son fils, tu vois, devant. Elle me dit, alors vous voyez quand même, 7 en maths, c'est nul et tout. Là, elle a même pas les encouragements, machin. Et j'étais en mode, je crois qu'on s'est pas compris. Et en fait, du coup, j'ai fini à faire du soutien scolaire. Alors que moi, j'avais amené vraiment un métronome, des baguettes de batterie. What? T'es vraiment allé jusqu'au bout en plus. Ah, je suis allé jusqu'au bout, mais je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, en vrai, il me fallait de la thune. Je me faisais 30 euros par semaine, c'était déjà ça. En fait, elle t'a fait venir, elle a dit à son fils, genre, tu vois, si tu travailles pas à l'école, tu vas finir comme ça. Oh, des annonces sur Le Bon Coin. Et elle me dit, il faut absolument pas qu'il aille en SECPA et tout. Et donc moi, je suis arrivé en mai, en gros, et la fin de ses cours, c'était en juin, en 3ème. Et j'ai fait remonter sa moyenne de 2 points, ce qui est déjà ça, hein, en peu de temps. Mais bon, entre-temps, voilà, il a chopé du diabète et il allait en SECPA. Fin de l'histoire. Ah d'accord, bah c'est... Après, voilà. Mais après, c'était... Non, mais après, en vrai, c'était assez enrichissant parce qu'il y a eu quand même une progression. Parce qu'au début, genre, il était grave renfermé, il voulait pas... Oh, si vous aviez la webcam d'Arthur en ce moment, il se cure le nez. En gros, il s'est ouvert petit à petit et puis on a pu finir par vraiment bosser ensemble. Voilà. Très bien. Il reste qui? Valentine? Valentine? Moi, du coup, c'est les jetons de casino, en fait. Ah, tu serais bonne à faire ça. T'es trop forte à faire des jetons de casino. Mais j'en ai fait pendant 3 ou 4 ans, donc ouais, je suis trop forte, en fait. Et est-ce que tu pourrais genre en faire des faux et du coup arnaquer la société? Anecdote, parce que moi, je vais à Las Vegas dans 2 semaines. J'en ai sur mon porte-clés. Mais non. Interlude, j'arrive. Ok, interlude, elle arrive. Putain, et j'espère que tous les viewers du son, ils puissent voir ça. Ouais, voilà. Ah, c'est pas du tout podcast, voilà. Mais ouais. Nous, on a ouais, mais la c'est du coup voir, c'est des très oui. On dirait le dessus d'une toupie Beyblade, voilà, j'ai ça. Je vais vous faire une image, c'est à peu près ça. Et toi Arthur, ça serait quoi ton taf que tu serais vraiment... Je pense qu'en vrai énorme porc. Thérapeute, ça me plairait bien. Ah, j'y ai pensé aussi. Thérapeute, tu ferais quoi? Bah, je sais pas, des gens, ils viennent me parler de leurs problèmes, je leur prends 75 balles pour 45 minutes, voilà. Ça me plaît à rien. Je serais très bon en tarif. Très bien. Non, je sais pas, non, en vrai, je sais pas, j'ai l'impression que je fais déjà un peu ça dans la vie de tous les jours, tu vois. Et je me sens un jour. Je me sens à peine visé. Non, c'est mais c'est pas toi, Valentine, c'est tout le monde, hein. Mais. T'es une bonne oreille. Ouais, je me dis, un jour, si j'en ai vraiment marre de mon taf, peut-être j'irai me former pour être. Un peu moi plus aussi, on m'avait dit que je pourrais faire on m'avait dit que je pourrais faire éducateur ou genre infirmier pour les enfants et tout ça aussi, on m'avait ah dit. Mais non, mais attends, moi je veux pas travailler des cassos, hein. Waouh, allez, ça allait très vite. Bon, wow. Et ben sans transition, allez, on va passer au premier jeu de la soirée. Et c'est un jeu qui est en rapport avec le thème de qui va suivre juste après. C'est un jeu qui a été préparé par Jules et c'est un jeu de quiz des jeux vidéo. Exact. C'est un quiz de rapidité ou pas? C'est un... Oui, c'est un quiz de rapidité. Ouais, j'ai perdu. La première personne qui répond, alors, il faut se mettre un cri. Qu'est-ce que ce sera? Ça pourrait être... Moi j'ai une soundboard. T'as une soundboard. Non, mais sans la soundboard. Alors sans la soundboard, avec la voix. Il faudrait que je vois qui sera la première personne à avoir parlé. Ouais. Clémence, tu peux regarder sur Discord la première personne qui aura le petit rond vert. Je vais checker, je vais checker. C'est très bien comme cri de... Attends, tout le monde fait « ouh » du coup. Ah bah non, je l'ai fait la première, ça va être moi. Ah bah oui, sinon un cri personnalisé. Ah voilà, ouais, bien sûr. Bah chacun une Valentine, ça sera « ouh ». Arthur, ça sera quoi ?« Iwi ». Iwi. Non, non. Non, mais moi je ferais un cri quoi, je ferais un. Ok, très bien, ça, on reconnaît bien. On te reconnaîtra, ouais. Et Théo ? Est-ce que je peux partir sur un ok, let's go ? Bah, ouais, c'est un peu long, mais. Du temps, hein. Ouais, ouais. C'est... Je prendrai à partir du ok. Ok. Bon, ok, je fais l'arbitre, Jules, du coup, y'a pas de soucis. Ok. Je vais arbitrer. Alors. Ah, attendez, je me concentre. Hop, c'est bon, je suis concentré. Alors, ta concentration, c'est juste te remettre sur ta chaise, c'était incroyable. Exactement. Mais tu sais, ça fait beaucoup de choses. Ça joue beaucoup. Ouais, ça joue. C'est une question de balancier. Du coup, je vais vous décrire à la pelletée. Je vais vous décrire une pelletée de, alors soit de jeu, soit de personnage, en vous faisant une description très rapide. Et je vais essayer de faire avec la voix de Julien Lepers. Ah bah ça oui. Va être très technique. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bien sûr. Perno. C'est parti. Top appartenant à l'entreprise. Je croyais que t'avais un son derrière. Je croyais que t'avais le bruit. Eh ben non, je l'ai pas. Par contre, j'ai ça. Ah oui, d'accord. Très bien. Quand ce sera une bonne réponse, je mettrai ces sons-là et prenez mauvaise réponse. C'est okay. Parfait. Top, appartenant à l'entreprise Blizzard, je suis doublé en français par Dorothée Pousseau, bien que je sois okay. Une britannique. C'est Arthur. Arthur ? C'est Tracer. Oui ! Un point pour Arthur. Bon bah, je note du coup. Prochaine question. Top, je suis un personnage féminin, je me bats avec deux pistolets, je possède des lunettes, je tire sur des raptors et je fais des okay. Je prends du plaisir. C'est ok, je crois. C'était. Je que j'allais dire Tracer, je pensais que t'allais troll, mais les raptors. Moi aussi, je Tomb Raider. Tracer aussi. Tomb Raider, oui, Tomb Raider. Non. À chaque fois, je mélange. Je te l'accorde. Oui, il a. C'est Lara Croft. Voilà, Lara Croft, putain. Allez, à chaque fois, je mélange, what the fuck. Bravo. C'est son métier, Tomb Raider. Bah, tout ça. Ah bon ? C'est un métier, c'est pas un jeu vidéo ? C'est une vocation. J'ai des lacunes linguistiques. C'est une passion avant tout. Prochaine question. C'est parti. Top, je suis un brun barbu qui évolue dans un environnement hostile, accompagné d'une jeune fille qui a le don de se placer au pire endroit lorsqu'il faut être discret. Bah, c'est Arthur, bien sûr. C'est Geralt de Rive. Pas du tout. Ok. Ah, oui, Théo. Joël. Bravo. J'allais la tenter. Légendaire. De quel jeu? C'est quoi comme jeu? Pas à tenter, Valentine. Bah non, mais oui, mais j'ai... Oui, bref. Et Théo, c'est de quel jeu? The Last of Us. Voilà. Ah, mais j'ai pas joué à ça, c'est pour ça. Un collab. Le célèbre moustachu. Sur le seul barbu qui vaille, c'est Gérald de Rive, hein, qu'on soit bien clair. La prochaine fois que je le fais, je le ferai plus dur parce que là j'ai mis trop d'éléments. Top, je suis dans un jeu dans lequel on ne peut pas faire de vélo en intérieur. Ne traînez pas dans les hautes herbes, il pourrait vous arriver des bricoles. C'est Valentine. C'est Pokémon. Bravo. Oui, le premier point. Ça sera le seul et l'unique que je vais avoir, bien sûr. On parle de Arceus 2 secondes ou pas? Ah bah, après, si plus tard. Alors, t'as le droit à 2 secondes, t'es prêt? 1, 2, 3. C'est dégueulasse. Voilà, fin. Allez, allez c'est reparti. Enfin, dernière question. Top, programmé pour expérimenter, je suis un personnage antipathique à l'œil unique. Tantôt allié, tantôt ennemi, vous ne pouvez pas vous passer de moi si vous voulez sortir d'ici. Et pourtant, vous finirez... Et pourtant, je finis mon aventure sur la lune à cause d'une arme qui ne tire pas de balles. Je suis... Oui. Oui, alors, Arthur. C'est GLaDOS. Bravo. Oh là là. Formidable. Portal, bien sûr. Formidable, oh. Bravo. Théo est en train de le faire pour sa décharge. No joke, j'ai lancé Portal 2 la première fois de ma life 10 minutes avant que vous arriviez. Oh, mais t'as aimé? Ah bah oui, j'ai vu que tu jouais là. Bah j'ai joué 5 minutes. Mais c'est très bien. Il a vu l'intro quoi. Ah oui. Ouais, bah de toute façon j'ai joué au premier. Le premier est une masterclass, donc le deuxième... Mais on va sûrement en revenir tout à l'heure. Bon, Arthur fait des trucs vraiment. Heureusement qu'il n'y a plus l'image dans ce podcast. On a vraiment bien fait. Ah bon, le fait que les gens ne voient pas, ça paraît encore plus horrible pour eux. Mais oui, on s'imagine des trucs. Ouais, aïe. Et bien, les amis, on va passer désormais au thème, le fameux le jeu vidéo qui. Thème de Patrick Sébastien. Oh oui. Je crois qu'on a fait la même. On a fait probablement la même blague 3 ou 4 fois dans ce podcast. Ouais, ouais. Non, mais ouais, peut-être avec Arthur ou sans Arthur. Plein de fois. Très bien. Bah écoute. Du coup, qui est divisé en plusieurs sous-thématiques qui vont un peu nous orienter. Alors après, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Voilà, on est 5, donc ça devrait aller. On devrait passer assez vite. Et si c'est trop long, on ne les posera pas toutes. On verra, hein, Jules, hein, bien sûr. Jules, je te laisse lire le premier, bien sûr. Eh bien, premier sujet. Le tout premier jeu de votre ludothèque. Quel était votre tout premier jeu? Moi, je sais que c'est Rayman 2. Ah ouais? Rayman 2, ouais, okay. Moi, c'est un jeu qui m'a grave marqué parce que je l'ai eu un Noël, un matin à Noël, avec ma première manette de jeu et je l'ai squatté avec un univers tout à fait étrange, mais c'est français. Sympa, c'est français. Comment on appelle ça, un banger. Tu l'avais sur quelle console? Un bon jeu. Je l'avais sur PC. Ah ouais. Et ça combinait, c'était le début des Rayman qui quittait un peu, enfin qui prenait le versant aventure avec ouais. Un peu plus d'histoire, plus d'univers et une musique incroyable à jouer. Mais moi j'allais dire que les premiers jeux de la plupart, ça allait être Adibou ou des trucs comme ça, mais du coup pas toi. Ah, mais moi c'est mon premier jeu qu'on m'a offert à moi quoi. Alors que Adibou, moi ça a été un truc familial. Mais ah, sinon ouais. Oui, ça aurait pu être ça. Je vais roter. Ok, bah écoutez, en attendant, Théo, toi par exemple, quel était ton premier jeu? Moi je pense que c'est PC et c'est pas Adibou, parce que Adibou en réalité j'ai découvert très tard, genre collège, et j'avais jamais entendu parler d'Adibou. J'ai cru que vraiment oui, t'avais commencé à jouer à Adibou au collège, je me suis dit putain, c'est quand même vraiment pour les 3-5 ans. Hein. J'ai fait des speedruns. Moi c'était un vieux jeu. Alors en vrai, si je prends un jeu PC, c'est Poisson Arc-en-Ciel, je sais pas si ça vous parle. Bah bien sûr, je connais le livre. Bah il y avait un jeu PC. Mais non. Dégueulasse. À ne pas confondre avec Marine Malice. C'est mon premier jeu. Après en vrai, sinon celui où j'ai vraiment des souvenirs de premier jeu, c'était sur PlayStation 1 et c'était Crash Bandicoot, mais c'était les jeux plateforme, c'était un party game en fait. Ah, c'était Crash Bash. Crash Bash, tout à fait. J'avais aussi. Oh là là. Putain, c'est le seul que j'ai pas eu de la fratrie. C'était un banger, mais je l'ai jamais terminé. Voilà. Trop difficile. Très bien. Voilà pour moi. Et toi, Arthur? Bah, malheureusement, moi, c'est Adibou, je pense. Bah ouais. Ouais, c'est hyper triste. Après, alors j'en sais rien, je saurais pas te dire. Est-ce que c'est celui où t'as un arbre dans le jardin où tu peux faire des gâteaux ou Ouais, où il y a le monstre qui bouffe le gâteau là. Je crois que c'est le 2. Moi aussi. Ouais. Mais en vrai, le premier jeu que j'ai kiffé, je crois que c'était Need for Speed Porsche 2000. Oh putain, les Need for Speed. Tu en as rappelé que j'avais joué à Porsche 2000. C'était un jeu où il y avait que des voitures Porsche. D'accord. Moi, je crois que Mario Kart 8 était le premier à avoir fait un partenariat en mode avec les voitures, là, avec leur Mercedes. En fait, non, d'accord. Ah oui, non. Ah ouais, je suis en train de regarder sur internet Porsche 2000. C'est vraiment les graphismes, c'est waouh. C'est yeuvant. Ça rappelle une époque. C'est ouf. Une époque où on pouvait rouler à 80, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, mais en plus, il y avait un circuit dans les Pyrénées. Et genre, un circuit, comme moi, la gueule. Un circuit, ouais. Et genre, comme j'habitais là-bas, on passait sous un pont. Sous lequel on passait quand on allait au ski avec mes parents. Alors, c'était un truc de ouf, tu vois. Énorme. Du coup, ton père drifté. Et toi, Valentine? Alors, moi, je ne retrouve absolument pas le nom. Mais c'était, je crois, un abonnement qu'avaient pris mes parents. C'était un abonnement d'un magazine. Et en fait, je crois que c'était tous les mois ou toutes les semaines, on recevait en fait un jeu sur un disque. Mais vraiment, j'ai là encore le souvenir des boîtes. Ouais. Un CD-ROM, ouais. Moi, j'ai absolument plus le nom. Et en gros, c'était des jeux où t'avais plein d'énigmes. Tu résolvais des énigmes et tout. Et c'était trop bien. Mais j'ai absolument plus le nom. Chevalier de Baphomet. Ah bah voilà. Oh, wow, oh les gars, non. Vous avez la rêve tous les deux. Non. Parce que c'est jeux français point and click. Ah bah ça, des point and click, il y en a plein. Monkey Island, c'était pas Monkey Island? Non, c'était vraiment c'était un nom particulier. C'était pas Professeur Layton? Non, c'était vraiment un nom particulier, je saurais plus retrouver. C'était pas Mario? Non. Alors attendez, je vais demander à ma source. Je vais demander à ma source, à ma mère. On rediscutera si je retrouve le nom, vous l'aurez plus tard. Voilà. Bien. Merci Valentine. Prochaine rubrique. Moi j'ai même pas répondu, Jules, mais c'est pas grave. Ah, bah, c'est nul. Mais c'est pas grave. En vrai, moi ça serait Adibou. Et après, mis à part Adibou, je pense que le premier jeu, ça serait Pyjama Sam. Oh, là, je l'ai eu dans les boîtes de céréales. C'est quoi Pyjama Sam? Mais c'est un jeu un peu de point and click aussi. Bah, ça fait partie de ce roster de jeux comme Marine Malice, Spy Fox, Pyjama Sam du coup. Il y avait plein de jeux comme ça. Bah, c'est du point and click aussi. Ouais, c'est ça. C'était dans les paquets de céréales, tu les avais. Ah, mais voilà, mais ça, vous avez joué à des jeux de paquets de céréales vous aussi ou pas? Ah, ouais. Oui. Dingo et Max Extreme Skateboarding. T'as les Kellogg's et tout ça, là, les trucs horribles. Moi, je crois que j'avais un jeu genre de. C'était même un logiciel, genre, c'est pas Energy ou une radio comme ça. Où tu pouvais créer des sons, genre comme si t'étais DJ, tu vois, tu mettais juste des pistes. Je sais plus ce que c'était, j'avais ça dans un paquet de choses. Et c'est ça qui a créé ta vocation de musicien. Et maintenant je suis David Guetta. Oh putain la vache! Ah ouais, l'ascension est fulgurante quand même. Je suis passé des paquets de céréales au Zénith en fait. Ah si, ouais. Direct, Titanium. Et voilà. On aurait dû faire une rubrique sur les jeux flash aussi, j'étais en train de me dire. Oh, ouais, ou même les premières consoles, mais bon, bref, on a le sujet est tellement large qu'on en refera un épisode, c'est pas très grave. Allez, c'est jamais perdu. Et on enchaîne au suivant avec le jeu que tes parents critiquaient, c'était super synchro avec ma transition, donc c'est parfait. Ah, je suis fier. Extrêmement fier. Le jeu que tes parents critiquaient, alors, est-ce que vous en aviez un, vous? Moi, j'en ai un, mais c'est pas tant le jeu que l'accessoire. C'était Guitar Hero 3. Et tu t'attendais à un truc ça là, ça, Arthur? Oui. Et c'était Guitar Hero 3 parce que ma mère disait que c'était de la merde parce que la guitare faisait plus de bruit de plastique que que on entendait à la télé en fait. Donc de la merde oui. En barre. Oui, c'est vrai. Mais c'était ça bien va. Guitar Hero. C'était très bien. Guitar Hero, moi j'ai adoré. Le 3, il est légendaire. Ouais, bah Legends of Rock. Mais c'est Legend of Rock, ouais, voilà. Il est légendaire du coup. Moi je me fais encore des playlists de Guitar Hero 3 des fois. Mais mec, sur Spotify, j'écoute que du rock. Quand j'écoute que du rock, j'écoute que les sons de Guitar Hero 3, mec. Est-ce que vous aviez, ceux qui ont joué à Guitar Hero 3, la persistance visuelle de la partition qui avance et que du coup, quand tu regardais ton mur ou le sol, ça te déformait ton visage? Enfin, ton visage. Oh là là, oh là, on oublie. Oh shit, c'est un épisode de Jojo là. Le mec, c'est du roleplay quoi, en mode. C'était une vraie rockstar quoi. Le mec se prenait un énorme taz avant de jouer. Pour avoir les vraies sensations de concert. Pour me sentir comme Hendrix quoi. Il avait 12 ans, hein, Et je crois que Valentine a retrouvé son jeu. Ma source m'a redonné le nom. C'était Toboclic. Voilà. Toboclic. Wow, mais vous rigolez, mais en attendant, c'était trop bien. Ça part sur recherche Google. Ouais. Ah bah allez-y. Mais c'est vraiment avec ça. Avec un K. Avec un C. Avec un C. Ah bah je suis désolée hein, mais bah excusez-moi. Non mais c'est. Bah j'aurais te dire les jeux mobiles n'ont qu'à bien se tenir. Ouais. Alors moi, j'avoue que je vais pas rechercher sur Google parce que j'ai peur que ça active Voice Mode. Ah, okay. C'est chaud. Oh. C'est pas bon. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des jeux que les parents critiquaient? Moi, j'en ai pas, par exemple. Je peux pas souvenir, en tout cas. Ah bon? Moi, là, j'en ai. Il y en a un actuellement. Moi, je sais que ma mère en critique un actuellement. Et voilà. Oula. C'est Fortnite. Mais voilà. Tu joues à Fortnite, toi? Non, moi je joue pas, mais mes parents ont jamais vraiment trop critiqué les jeux, ils comprenaient juste pas le principe de Pokémon. Ah. Mais après, là, récemment, moi je sais que j'entends vraiment critiquer Fortnite. Voilà. Mais pour une raison particulière, c'est qu'elle est prof. Parce que. Bah oui, elle est prof et que. Oui. Pas de nom, s'il vous plaît, pas de nom. Non, je ne sais pas. Mais les enfants sont terribles. Voilà. Toi, Clément, ta mère, elle t'en parle ou pas? De Fortnite? Non, mais elle est prof de maternelle, donc je pense ça va. Parle de Candy Crush à la limite. Ça va encore atteint. Maternelle, t'es déjà en train de hacker des cartes bleues pour débiter des 50 balles. Et ils sont elle plus a la moyenne section qui a fini Dark Souls en 7 minutes. Non mais voilà, tu vois, c'est Fortnite, c'est pour les bébés. Non mais t'as pas un bail avec Fortnite, toi? Tu t'étais pas fait gratter de la thune sur ce jeu? Ouh, une anecdote. Vas-y, tu racontes. Si, bah non, bah, tu sais, il y avait une époque où il y avait des comptes Nintendo qui avaient été hackés, là. Parce qu'ils avaient mal protégé. Ouais. Bah si, en gros. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et une fois, j'étais tranquillou chez moi et je vois un petit truc de PayPal, genre, félicitations, vous avez acheté... pour 150€ de V-Bucks, c'était en mode Oh merde. Je joue pas à Fortnite en fait, alors pourquoi? Et heureusement c'était PayPal, du coup j'ai pu me faire rembourser, mais ça, tu as petite sueur froide, tu vois, quand t'as ouais. un Indien qui te vole deux fois 150€ de V-Bucks. Voilà, hop, tu te dis adieu le compte en banque, parce qu'en plus à l'époque j'étais étudiant, donc j'avais pas de revenus, tu vois. Ouais. Non, moi après mes parents. Merci Jules de ponctuer à chaque fois. Mes parents, ils critiquaient au début un peu les jeux en mode ça rend violent et tout. Il y a eu leur période un peu comme ça où c'était un peu la propagande, mais genre les médias qui parlaient un peu de ça comme ça. Mais après ça a évolué et en vrai ça va, tu vois, maintenant ils s'en foutent. Et heureusement maintenant quand même. Ma mère a eu sa période aussi. Mais oui, mais genre, ouais, c'est quoi ce jeu, genre GTA ou des trucs comme ça, c'est en mode, c'est un peu violent, quoi, mais bon, c'est normal, en vrai, je pense que ils se disent, quand t'as un gamin de 12 ans qui joue à GTA et qui bute des prostituées, bon, tu dis, bon, vas-y mollo. Voilà. Hein, mais voilà, c'est des jeux vidéo. C'est le premier métier du monde, on peut respecter, s'il vous plaît. Exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées pour ce, jeu, ce thème-là ou on passe au suivant? Bah, moi, il y a juste eu le classique Call of Duty, honnêtement. Ah, bah oui, bah, pareil. Bah ouais, moi c'est pour ça que je suis surpris que personne l'ait cité avant, mais moi j'ai pas joué, à Call of Duty, j'avais pas de console. Okay. Moi, mais moi ce que je vous disais sur la conversation, c'est que c'est ma mère qui m'a taillé moi pour ça justement. Parce que je mais c'est une dinguerie ça que tu jouais avec ta mais mère. Raconte, mais raconte, bah, alors, parce que là tu dis sur la conversation, mais les téléspectateurs, je veux dire, je travaillais pour la télé. On rajoutera des violons en post-prod. Vas-y, raconte. En fait, c'était quand pendant ma période où j'avais 16 ans, où j'étais dépressif, ma mère essayait un petit peu tout pour m'amuser. Et du coup, elle avait dit bah, viens, rebranche ta PS3, on se fait une partie de Call of Duty, tu vois. Donc, adorable, love adorable. Life. Et du coup, on a fait un 1v1 sur Rust avec ma mère. Je pense que ça parlera à des gens, mais déjà la phrase est marrante. Et en fait, elle n'a aucun sens de l'orientation parce qu'elle ne jouait jamais. Et elle arrêtait pas de se plaindre que je lui tirais dans le dos, voilà, c'est tout. Incroyable. J'ai mis des headshots à ma daronne. Bah ça sera le titre de cet épisode. Je suis désolé. Du PowerCast, j'ai mis des headshots à ma daronne, c'est sûr. Bah je pense que là c'est fini. On fera pas mieux, hein, même en 3 heures. On verra, tout à l'heure peut-être ça va évoluer. On passe au suivant, du coup, le jeu que tu as le plus squatté, le jeu que vous avez le plus squatté. Alors, c'est-à-dire en termes, enfin, depuis le début, ou genre en termes de, non mais comment dire ça, kilomètres, en termes d'heures, je pense. En termes de kilomètres. Non, mais sur une courte période, sur une très très grosse, une très grande période. C'est-à-dire une période donnée précise ou depuis le début, depuis qu'on joue aux jeux vidéo en fait. Depuis le début de ta vie. Oui. Ah, depuis le début de ma vie. Moi j'en ai deux et en fait ça dépend un petit peu de si on compte que j'ai squatté un jeu ou la licence. Si on compte que j'ai la licence que j'ai le plus squatté, c'est Super Smash Bros, c'est sûr et certain. Parce que j'ai joué absolument tous sur console depuis que j'ai genre 6 ans je pense. Ouais. Et après par contre si on parle en jeu solo, je pense que c'est Apex avec qui je cumule bientôt 1700 heures. Ouah putain. Ah ouais. Joli score. Aucune vie et un confinement qui est passé par là, bien sûr. Évidemment. Les autres, Valentine par exemple. Vous, Stick, ouais. Moi, je pense qu'en termes, ça serait plus en termes de licence. Je pense que ça serait Pokémon parce que je les ai tous faits. C'est ce qu'on a cru comprendre. et sinon, je pense que très en termes de juste un seul jeu, je pense que ça serait le dernier Animal Crossing qui est sorti pendant le confinement. Ah, j'avoue. Je dois avoir 500, presque 500 heures dessus, donc ouais. C'est vrai que tu l'avais saigné. Hein. C'est vrai que j'ai saigné. Voilà. Pour avoir vu ta ville, oui, il y a du travail. Et merci, c'est gentil. Ouais. Une vraie mégalopole. Possible. Reconversion possible, si jamais le monde de l'audiovisuel ne m'intéresse plus. Voilà. T'as ça et les jetons. Exactement. Moi, je pense qu'il y a Minecraft aussi que j'ai beaucoup, beaucoup squatté depuis le début. Ouais. Surtout que j'ai commencé avec mon frère. C'était mon frère qui l'avait acheté la bêta, je crois. C'était pas l'alpha, c'était la bêta. Mais non, mais du coup, tu sais, il l'avait sorti un peu avant en bêta. Oui, bien sûr. Où il coûtait genre 5 balles, je crois, un truc comme ça à l'époque. Et du coup, l'alpha qui coûtait 5 balles, je crois, et la bêta était augmentée. Enfin, bah alors, je sais plus, peut-être faut lui redemander la prochaine fois qu'il passera dans le podcast. C'est très simple, si pour lui l'herbe était fluo, c'est que c'était l'alpha. Horrible. Ben, on lui demandera. C'est technique. En tout cas, bah ouais, on y a joué depuis ce jour-là et ben j'ai connu toutes les mises à jour et bon j'y joue moins maintenant mais ça fait toujours c'est traître. Un plaisir de revenir dessus bien sûr. Bah en vrai tu y reviens toujours au moins une fois dans l'année j'ai l'impression Minecraft. Hein. Bah ouais. Bah là j'y suis retourné pas plus tard qu'hier juste j'ai vu la mise à jour récente et c'est toujours un kiff bien sûr. Je recrée toujours une partie en survie depuis le début et puis c'est un bonheur. Je la finis jamais. Voilà, bah oui, bah bien sûr, je fais genre une un bloc à la fois. Un bloc par mise à jour. J'ai la même sauvegarde que je travaille de version en version. À chaque version, je pose un bloc. De plus en plus corrompu. Tellement long. À chaque fois. Tellement long, là. Horrible. Voilà. Et vous, les autres, là, les deux zigotos. Le gros porteur se nu devant sa caméra. Là. Alors, le gros porteur se nu. Je pense qu'en termes de licence. C'est sûr à 100%, c'est les Assassin's Creed. Quand je m'y attendais pas. Je les ai tous faits sauf le 1. Et même Rogue et tout ça, tu vois. Ah, t'as même fait les. Ah ouais. Et les jeux mobiles et tout, non? Non, pas les jeux mobiles, mais par contre, c'est les. ceux qui étaient en 2D et tout là. Ah ouais. Chronicle of. Ouais. T'as même fait cela. Ouais. T'es un fou. Donc, non, ils étaient vachement bien, ils étaient très beaux. Ouais. C'est en Chine le mobile là. J'ai même fait celui sur DS, le truc qui était dégueulasse, immonde. Ah bah c'est celui-là que je parle. Moi je trouvais qu'il avait l'air pas mal, mais après j'ai jamais fait Assassin's Creed. Bah si t'as, et si tu trouves qu'il a l'air pas mal, je pense que fait les Chronicles, ils sont beaucoup plus jolis et. D'accord. Et c'est même un meilleur gameplay. Et je crois que c'est Epic Games qui a filé Syndicate, il vaut le coup lui ou pas? Bah si t'aimes bien le steampunk, ça peut le faire. J'aime. En vrai, j'aime en plutôt. Vrai le. C'est pas le pire de la période creuse des Assassin's Creed. Ok. Ça serait celui qui se passe à Paris pour toi? Une petite oui, bosse dans la qualité. Évidemment. Très bien. Mais sinon, toi, en jeu, je pense que c'est Minecraft. Ok. Jeu solo, c'est Minecraft. Après, Steam me dit que c'est Dishonored, mais j'y crois pas. J'ai passé plus de temps sur Minecraft. Ah, putain, oui. On en reviendra tout à l'heure à Dishonored. Mais... Ça m'étonnerait que. Bah moi c'est un peu comme Jules, je pense que c'est Apex honnêtement parce que j'ai Allez. Cumulé RPC RPS4 et sinon en vrai j'essaye de chercher peut-être un MW2 parce que vraiment collège lycée je jouais que à ça. Ouais. Je jouais que à Call of, c'était une dinguerie. T'avais une t'avais une Play du coup j'imagine. Play 2, en vrai le truc c'est que j'ai un grand frère et une grande sœur, du coup j'ai eu beaucoup de consoles en vrai. J'ai eu la Wii, cool. La GameCube, PS1, PS2, PS3, DS, Game Boy, Advance, SP, enfin ouais. J'ai eu plein de trucs. Oh bah ça j'ai va. Pas tout eu pour Fusez moi nous, mais hein. Ça... Oui. Mais donc ouais, beaucoup de Call of Duty. En général ouais, les joueurs consoles, il y a beaucoup ce souvenir de Call of Duty et tout. En général, c'est notre génération ça. Licence que j'ai totalement lâchée depuis un bon moment, mais quand j'y jouais, j'ai beaucoup joué, donc il y a moyen que ça rattrape des jeux auxquels je joue beaucoup maintenant, quoi. Mmh. Ouais, comme Apex par exemple, du coup. Affirmatif. Très bien. J'adore. On pourra pas s'en passer. Hein. Ah, non, non. Jules, vas-y, le suivant. Quel est le jeu, mesdames et messieurs, qui vous a fait le plus rager? Ah. Ou qui Fall vous a Guys. Fait rager, c'est Fall Guys. Fall ah ouais. Guys, je suis capable de rage quitter assez vite. Bah déjà, et, quand tu le dis, on dirait qu'il y a un petit truc dans la gorge. Là. Ah ouais, non, mais Fall Guys, c'est un truc de fou. En fait, mais c'est... Bah là, c'est parce que je pense surtout aux jeux récents. Après, si ça se trouve, il y a d'autres jeux plus vieux que j'oublie. Mais Fall Guys et Sea of Thieves, en fait, c'est des jeux où, du coup, tu joues avec d'autres Tellement... joueurs qui sont parfois toxiques. Et le fait que, genre, bah là, Fall Guys, par exemple, tu peux, genre, perdre toute ta partie... Juste parce qu'un gars t'a attrapé dans le jeu et t'a fait tomber, bah ça me fait rager. Et Sea of Thieves, ah ouais. Bah tu peux juste, enfin c'est le but du jeu, c'est un jeu de pirate, et tu peux juste genre faire une aventure pendant bah plusieurs heures des fois, et les mecs arrivent, défoncent ton bateau et c'est terminé. Et ils justifient ça en mode bah ouais mais c'est un jeu de pirate donc on est là pour faire de la piraterie quoi. Ouais, non, ça, après dans Sea of Thieves, c'est pas fini quand tu te fais. Mais par contre, quand les gens te défoncent un bateau, ils ont tendance à rester. Genre, oui, une voilà. demi-heure, une ils... heure. Voilà. Genre, et ils te lâchent pour le plaisir. De te voir pleurer. Oh, bon. C'est un enfer. Merci. Et j'ai déjà rage quitté sur Sea of Thieves. Ouais. Ouais. C'est un des rares rage quit que j'ai fait de ma vie. Voilà. I know that feeling, bro. Ah, tu joues aussi à Sea of Thieves et... ouais. J'ai arrêté, surtout deux choses. Ah, bah voilà. C'est fou, hein. C'est fou comme il fait rager ce jeu. Mais il est tellement bien en fait. Il est magnifique ce jeu, mais ouais. Voilà. Très frustrant. C'est sûr. Ouais. Toi, Valentine, par exemple. Sans hésitation, Overwatch. Overwatch, bien sûr. Bah oui. 36 voilà. Insultes à la minute. Hein. Ah ouais. Ah ouais. On l'appelle la mitrailleuse. La Gatling. Et c'est pas parce qu'elle joue un tank dans le jeu. Hein, c'est vrai. Ah non, non, non. Oh non. Tintin. Moi, en vrai, pour les mêmes, pour les mêmes raisons que Valentine, moi c'est Mario Kart, surtout le 8. Il y a quelqu'un qui va le crier à côté de chez moi. Incroyable. Yes. Et Mario Kart 8, moi aussi, c'est 48 insultes à la. Mais moi, c'est à la seconde, ouais. Vraiment. Parce que dès que tu te prends une carapace, dès que tu rates un virage, dès que quelqu'un te pousse, moi vraiment je vais l'insulter et ça ne me rassure pas sur c'est ma. C'est fou d'être aussi véhément sur un jeu non, si mais... chill. Après, ça me rassure pas pour quand j'aurai le permis, tu vois. Après, je suis d'accord avec Jules parce que c'est vrai que Mario Kart, surtout le 8, c'est vrai que c'est trop bizarre parce que c'est un contraste de c'est le pire jeu et en même temps c'est le meilleur jeu. C'est, ouais. Tu l'aimes autant que tu le détestes. C'est trop marrant, mais c'est grave injuste. Ouais, c'est exactement ça. Bah en fait, à partir du moment où tu captes qu'il y a énormément de RNG dans le jeu, Moi, alors, je, juste pour la dose qui... de rage, voilà. Ira pas moi, plus loin. Je sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui connaissent pas, ouais, est-ce que tu peux expliquer c'est le RNG? Pardon, désolé. La RNG dans un jeu, c'est ce qui représente des facteurs que... aléatoires en fait, sur lequel t'as pas de. C'est pas random number generated, un truc comme ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est un truc comme ça. Ça doit être un truc du genre. En fait, c'est juste des éléments dans un jeu que... auxquels tu... des facteurs qui t'échappent en fait, tout simplement. Okay. Donc, des objets sur lesquels tu tombes, enfin. Ok. Ouais. Avoir une roquette alors que t'es cinquième, des choses comme ça. Après, il y a des algorithmes, hein. On va pas dire que c'est tout à fait random. Il y a des algorithmes dans Mario Kart. Il y a des algos. Il y a beaucoup de. Il y a des algos. Bon, on les a vus là. On connaît. Les algos. Et toi, Arthur? Quel jeu te fait baisser ton froc? Moi, je suis pas quelqu'un qui rage beaucoup de manière historique, mais. Historique, j'ai commencé à. J'ai pas compris. Non, historique. De genre. J'ai pas beaucoup ragé dans mon histoire du jeu vidéo, tu vois. Ouais. Mais depuis que j'ai commencé Overwatch, je pense que je me suis découvert un petit potentiel de gros rageux, tu vois. Le Arthur sombre. Que, en vrai, le jeu, je pense qu'il m'a le plus frustré, où j'ai peut-être été le plus dégoûté, que j'ai rage quitté, je pense que c'est Minecraft. Genre, tu sais, quand tu meurs dans la lave, tu perds tout ton stuff. Bon, voilà, c'est ça. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais rager, je pense que c'est Overwatch. Mais je sais pas comment est la communauté sur Overwatch, parce que je vois. C'est ok. Non, c'est pas toxique. On est pas sur du LOL. LOL c'est toxique et Overwatch c'est sympa, tu vois. C'est la cour de récré de LOL, tu vois. Juste pour rappel, Arthur, nous ne sommes pas du même sexe. Ah oui, non, mais c'est autre chose. Ah, ça, on est d'accord. Mais ça, c'est la communauté des gamers qui est toxique, en fait. Ça, Valou, malheureusement, j'ai bien peur que ça ne vienne pas que de Overwatch, malheureusement. Alors oui, mais d'accord, mais moi, je sais que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus ce ressenti-là. Ah ouais, bah parce que c'est le jeu le plus compétitif auquel tu joues aussi, je pense. C'est vrai. Ouais. Et du coup, mais du coup, t'as quoi comme remarque juste pour sur Hearthstone, ils sont chill avec les meufs, je crois. Ah. Mais juste, Valentine, en termes de, juste pour faire une sorte de témoignage, ça serait tu t'as quoi comme remarque? Moi déjà, je sais que j'ai un rôle qui est peut-être un peu ingrat, c'est-à-dire que je joue. Non, c'est important. Bah, important, mais un peu ingrat quand apparemment c'est pas bien fait, tu vois. Bah non, t'es. Non, c'est le heal. Heal tout tes. Ouais, le médic, effectivement, c'est quand tu soignes tous tes alliés, bref. Donc, du coup, c'est. Moi, je m'en suis pris des. Bah, bouge ton cul, ou des. Enfin, tu sais, ce genre de remarques. Parce qu'il. Mais tu penses que c'est lié au fait que tu sois une femme? Bah, je. Je pense que oui, hein, de toute façon. Mais ça, c'est même pas à prouver. C'est que moi, j'en ai vu déjà un nombre incalculable de posts comme ça passer sur Twitter de nanas qui sont en... Quel que soit le jeu, en fait. Mais c'est ce que je rejoins Théo. Du coup, c'est vrai que quel que soit le jeu, tu vois un nombre incalculable de meufs qui se plaignent. Et t'as vraiment des records de mecs qui ont des propos sexistes comme pas possible. Et tu te dis, mais on est en 2022, les enfants. Il s'agirait peut-être de grandir. Voilà. C'est clair. Il y avait une vidéo de pub, je sais plus pourquoi, que les Suédois ou les Nordiques avaient fait. C'était un truc où ils avaient proposé à un gamer de faire une partie sous le pseudo d'une gameuse connue. Bah, le type, il a pas fini la partie. Hein. Ah ouais. Il a pas fini la partie. Au bout d'un moment, à force de se faire insulter, ou enfin pas forcément insulter, mais genre en fait, on lui fait des remarques qui sont absolument déplacées. Mmh. Et bah, il pose son casque, il fait je peux pas en fait. C'est mort. Je peux pas jouer en fait, je peux pas me concentrer. Il y a un jeu que j'ai un peu quitté aussi à cause de la communauté, bien que je sois un pélo. C'est Dota 2, donc comme LoL en fait, communauté hyper toxique où tu fais une connerie. Moi je n'étais pas extrêmement bon, j'avoue, mais tu fais une connerie et t'as un gars qui va t'écrire 5 messages et tu dis, mais pélo, joue en fait pendant ce temps parce que ça ne va rien arranger au public. Donc j'ai un peu quitté ce jeu aussi pour ça. Ouais. Ok. Allez, sans transition, nous passons au thème suivant, au sous-thème suivant. C'est le jeu qui t'a fait pleurer. Bah moi je propose que Théo réponde, parce qu'il l'a déjà en fait. Ah Théo, il s'est cassé vrai, là. Je me réserve, en vrai je me réserve, parce que la réponse, Valentine la connaît très bien, mais je me réserve ce jeu pour plein d'autres questions auxquelles ce jeu sera la réponse. Et je vais dire un autre jeu, c'est très long pour expliquer, j'en ai marre. Le jeu sera Beyond Two Souls, clairement. Ce jeu m'a grave marqué. Ah ouais. Je sais pas si on peut me laisser spoil. Je pense, oui, ça date de 2013, un truc comme ça. Ah oui, il est vieux. Spoiler alerte, allez dans 30 secondes. Vas-y. En gros, à la fin du jeu, du coup, on apprend que le personnage joué par Ellen Elliot Page, doit faire le choix entre la vie et la mort, et en plus on apprend que, en gros, c'est toute l'histoire d'une fille qui est liée à un esprit avec elle. Et en fait, on apprend à la fin du jeu que l'esprit, c'est en gros son frère jumeau qui est mort à la naissance, et il s'est passé un peu un truc surnaturel où en fait il habite avec elle, et tu le comprends, et elle le comprend tard dans le scénario. Et du coup, il y a un peu ce truc de, à la fin, elle est un peu dans un choix de soit elle vit, mais du coup, elle perd son frère, soit elle meurt et elle continue de vivre avec lui, en fait. En sachant qu'il a vécu avec lui toute sa life et tout. Enfin, je prends des raccourcis, mais c'est terrible. C'est terrible. J'avais complètement oublié la fin de Beyond Two Souls, merci de m'avoir rappelé. Elle est incroyable. Beyond Two Souls. Et vous avez chialé tous les deux, du coup, à cette fin ? Alors moi, il faut savoir, je le rappelle, je n'ai jamais chialé dans un film et je n'ai jamais chialé devant un jeu vidéo. Je suis une pierre. C'est une foussie, t'as jamais pleuré, putain, mais t'es vraiment une lopette. Non, alors moi, vraiment, je pleure très facilement dans la vie. Par contre, sur une œuvre, rien ne m'atteint. Je suis une sorte de tank. Écoutez, ah ouais, ok. C'est ce que je peux vous dire. C'est Reinhardt le type. Je suis une sorte de Reinhardt. Que des rêves geeks ce soir. Ouais, là c'est fait pour. Hein, vous êtes sur Powercast. Moi j'ai pas vraiment de jeux qui m'ont fait pleurer. J'ai pas souvenir en tout cas d'avoir ça, il me semble pas. J'ai eu beaucoup d'émotions avec le jeu It Takes Two récemment. Oh oui, ah, oui. Incroyable. Et incroyable. Je l'ai fait avec un pote en plus. Mais je le trouve vraiment beau et je trouve que. Et depuis, vous êtes en couple. Bah oui, ça nous a forgé une amitié. Oh. Ouais, non mais ouais, voilà. Bah oui, désolé. Je me suis levé. Non mais après, ouais, non. Mais de là à pleurer, il me semble pas que j'ai souvenir de ça. Vous non, en plus, fait, j'ai pas Arthur, pleuré, Valentine, non. Pardon. J'ai Undertale qui m'a pas fait pleurer, mais qui m'a ému en vrai, qui m'a touché parce que ça parle de plein de choses, de différences et d'amour en général aussi. Et c'est un très beau jeu que je conseille à tout le monde. C'est toi, t'es un amour. Oh, oh là, oh, ça suffit. Bébou. Ah, bonne réponse. Yes. Toi, Arthur, t'en as qui t'ont fait pleurer, ouais. Ouais. Bah, dans la même veine que Théo, moi, c'était le jeu d'avant, c'est Heavy Rain. Ah, Heavy Rain. Heavy Rain de Quantic Dream, comme. Oui, c'est vrai, pardon. Comme Heavy Rain. Souls et comme Detroit, d'ailleurs. Exactement, non comme Detroit, que je n'ai pas encore fait. Quand on ne spoil pas. Pas du tout. Et Heavy Rain, c'est le premier jeu, je pense, sur lequel j'ai bien chialé ma race. Et tellement au point qu'il m'avait touché que, genre, même quand je réécoutais la BO après, genre, je chialais en écoutant la musique du moment qui m'avait fait pleurer, tu vois. Genre, ça, c'est la vraiment, honte. Bon, non, c'est pas la honte. faut être un homme de 2022, enfin, Jules. C'est vrai. Tu es réac, Jules. Et sinon, le deuxième jeu qui est mon préféré, je pense, de presque tous les temps, c'est Life is Strange. Le 1. Voilà. J'ai jamais fini Life is Strange, ça a l'air. Pourtant, c'était cool en vrai, mais j'ai jamais continué l'aventure. Bah, ouais. La BO était ça m'a bien trop touché, bien. Gros banger. Et ben, on conseille plein de jeux en vrai ce soir, donc c'est cool. Si jamais il y en a qui veulent. Un véritable catalogue. C'est vrai. On passe tout de suite au suivant parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, hein, ça vous dérange pas. Attends, et Valou, elle a jamais pleuré ? Ah non, moi jamais pleuré, moi. Ah, bon, vraiment, full premier degré. Elle a pas pleuré depuis 2006. J'étais en train de réfléchir vraiment à un jeu et non. Je crois qu'il y en a. Mais je dois pas avoir assez joué aux jeux vidéo pour avoir eu cette expérience de pleurer. Ah, il te reste. Même pas sur Minecraft quand t'as perdu ton stuff diamant la dernière fois là, enchanté. Ah, mais et tout. Non, ça c'était de la haine envers moi-même, c'était pas de. Là, c'était juste de la tristesse. Un écran, voilà. Et des larmes de rage, c'est des larmes quand même. Ah, mais j'ai pas pleuré, non, ça va. le suivant. Toujours là, t'inquiète. Mais t'inquiète. À chaque fois, ça va m'étonner alors que. I've got your back. 5 ou 6, hein, mais. Oh, le là, jeu que beau, tu ça. As aimé malgré sa mauvaise presse. Oh bah oui alors. Alors ça il faut que je tire. Valentine elle a un truc j'ai l'impression. Moi je l'ai. Valentine elle l'a. Bah vas-y. Il vient de sortir. Non il est sorti. Non il y a. Ouais il y a 5-6 mois début. Fin janvier. Bah, il y a 12 ans. Mais non mais c'est Pokémon Legend Arceus. Moi j'ai très bien aimé ce jeu. Je comprends. Mais c'est. Et le truc qu'il lui reprochait je l'entends. Mais je trouve qu'au niveau de. En termes de scénario et en termes de prise de risque de la part de Game Freak, moi je dis ok, hein. Enfin, très bien, ça passe, c'est ok. Et moi c'est... Après, moi je suis le public visé, hein, donc comme le dirait si bien moi-même. T'es une Pokémaniaque. Je suis un peu. T'es une top dresseuse. Je suis un peu la top dresseuse finalement. Top dresseuse valouche. Donc non, mais moi je sais que j'ai vraiment aimé le jeu, hein, donc voilà. Mais je sais qu'il a été plombé par la critique et par deux personnes ici présentes. Je ne donnerai pas. Ah mais noms. Moi je plombe pas le jeu, hein. Je plombe les graphismes, c'est tout. On va pas débattre trop sur ce jeu. Voilà après. Mais vous avez moi, mon Desperados. Je serais tiré sur l'ambulance. S'il faut finir et mettre des coups de pied dans les côtes du jeu, y a pas de souci, vous m'appelez. On fera ça hors podcast. Y a pas de souci. On n'est pas là pour descendre des jeux. C'est vrai. Moi j'en ai pas trop. En vrai, j'ai pas souvenir d'avoir joué à des jeux de mauvaise presse. Moi j'en ai un si tu veux. Moi j'ai No Man's Sky, mais moi c'est un petit peu particulier parce que déjà j'avais pas payé le jeu. J'ai joué avec mon frère. Alors je parle de No Man's Sky à sa sortie, de pas maintenant. C'est ce que j'allais dire, ouais, parce que le No Man's Sky de maintenant, il paraît qu'il est bien. Justement, ouais, je veux parler du No Man's Sky qui a déçu à sa sortie parce qu'il avait trop peu de contenu, je crois que c'était ça. Ouais. Et il manquait plein de choses sur le jeu. Et j'avoue que moi en fait, j'étais pas comme tout le monde, j'étais pas ultra hypé par le jeu. Et du coup, en fait, je l'ai découvert juste comme ça et j'ai trouvé ça sympa. J'ai joué 2 semaines avec mon frère en été et franchement, très sympa. Mais effectivement, maintenant que tu peux vraiment, je crois, construire tes bases, maintenant tu dois avoir plus de faune et de flore, ça doit être quand même plus sympathique. Voilà. Très bien. Et vous, les gars, non ? Des idées là-dessus ou non ? Ah là, comme ça. Moi, j'avais peut-être A Way Out, mais finalement, il n'a pas eu tant une mauvaise presse que ça, je crois. Donc, A Way Out, c'est les mêmes développeurs que It Takes Two. Que It Takes Two, tout à fait, ouais. C'était leur jeu précédent. A Way Out, c'est quand t'es en prison là et que tu dois sortir, non ? Ouais. Tu joues à deux, ouais. Ouais, c'est ça. Très bien. J'attends. Voilà, oh merci, j'attendais, j'ai eu peur, j'ai cru que rien n'allait se passer. C'est le temps que tu cliques sur le bouton, j'imagine. C'est le temps que je remette voice mode, ouais, parce que sinon je vois pas vos têtes. Le jeu que tu emporterais avec toi sur une île déserte, avec la fibre. Alors, ouais. Avec la fibre, si c'est un jeu en ligne, bien sûr. Bien sûr. Alors, moi je l'ai, sans débat, je pense que c'est Smash, parce que même si c'est quand même très répétitif. Ça fait quand même longtemps que je joue à Smash et à chaque fois je vais jouer un nouveau personnage et je vais découvrir de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques et tout ça, et ça ne s'arrête jamais. Et je pense qu'avec un jeu de combat qui a un roster d'environ 80 persos, tu as de quoi faire. Voilà. Tout pareil, pour exactement les mêmes raisons que Jules. Yes. Est-ce qu'on peut dire que j'ai tout dit ? Tout est dit. Bah, tout est dit, j'ai l'impression. Tu as tout dit. Arthur, Valentine, des idées là-dessus ? Pokémon pour Valentine ? Non, même pas. Je pense à un petit Minecraft parce que ça se termine jamais et ça t'occupe. C'est vrai. J'avoue, ouais. Faut faire un ce genre petit de Minecraft, jeu. Je pense, ouais. C'est vrai que ouais, Minecraft, tu peux toujours être plus grand et faire mais ta base. Un bon MMO, tu vois. Un bon MMO, par contre, si t'as la fibre et tout, si tu veux le temps, tu te mets sur un MMO, bon bah tu. Clairement, j'ai clairement. J'ai jamais fait de MMO. Mais moi non plus. Enfin, j'ai commencé certains, mais c'est trop d'implications et beaucoup trop d'argent à dépenser dans un jeu. Et voilà. Ah bah, en parlant de jeux qui font dépenser de l'argent, Smash, il m'a coûté, avec tous les DLC, 130 balles, un truc comme ça, je pense. Ah ouais. T'as genre 70 balles, le jeu, plus après t'as 3 DLC, c'est quoi, c'est 25 balles 25 chaque balles, DLC ouais. Donc, ouais. Ah ouais. Un truc dans le genre, ça même plus cher. De fortune. Bah oui, 7 et 7, 14, bah ouais. Ça fait plus de 140 balles, mec. Ouais, plus. Le jeu, alors là on en a deux. Attends. Transition. Voilà, on en a deux qui se ressemblent un petit peu en soi, on peut les raccorder ensemble, mais le jeu qui promettait énormément mais qui t'a déçu, et le jeu que tout le monde adore mais que tu détestes, c'est un peu le même style, même si non, parce que... Enfin, je sais pas, c'est parce que... Bah, c'est l'inverse, c'est le jeu que tout le monde trouve trop cool mais que toi t'as pas aimé, et moi je vous le dis direct, c'est Among Us. Parce que Among Us, comme pour le loup-garou, il y a un truc trop hostile sur Among Us. Déjà, moi, faut savoir que dans les jeux vidéo, j'ai un sens de l'orientation de merde. Et donc, dans Among Us, je m'étais vraiment, au début en tout cas, 20 ans à faire mes tâches. Et si on changeait de map, j'étais là, merde, allez, c'est reparti. Et j'ai pas du tout ce mind game du truc du loup-garou, tu vois, de savoir qui était là. Donc, ça peut pas être lui parce qu'il était avec machin et tout ça. Et je sais qu'il y a des parties où je me suis fait engueuler. Parce que du coup j'accusais la mauvaise personne, on m'a dit mais t'es trop con, et l'autre qui rigole hyper fort. Donc voilà, moi, c'est ouais, out. Mais je comprends, ça devient, si tu joues pas dans... Enfin, ouais, ça crée des tensions et tout, je peux comprendre. Moi je sais que je rejoins vachement Jules sur ça. Moi ça serait plus à mon gars, parce que déjà, pas pour les mêmes raisons, moi je ne sais juste pas mentir. C'est tout. Ah, c'est... ouais. Vraiment, je ne sais absolument pas mentir. Et genre, les seules fois où je sais que dans le jeu, j'ai été imposteur, je ne terminais jamais les games parce que je n'arrivais pas à mentir. Je crois que moi c'est pareil, j'ai jamais dû gagner en tant qu'imposteur. Pas tout seul en tout cas. Voilà. Confirme. Et vous autres? Je crois que je vais faire pareil que vous, hein. Moi, Among Us, mais c'est pas pour parce que j'arrive pas à mentir, parce que pour le coup, quand je jouais à l'époque au Loup-garou en ligne, ça marchait bien. Non, je pense que juste j'ai pas du tout kiffé le jeu et j'ai pas suffisamment joué pour comprendre, comme tu disais, Jules, l'histoire de où t'es dans la map et tout machin. Donc à chaque fois que tout le monde disait ah bah moi je suis électrical machin, j'étais là en mode mais je sais même pas où c'est Ouais, c'est ça, exactement. Je comprends rien. Je suis en train de faire les tâches au labo. Ouais, j'ai dû faire deux parties avec les potes et j'ai fait bon allez c'est bon, ça c'est pas suffisamment intéressant pour que genre j'essaie de m'y accrocher. Et j'ai vraiment genre j'ai dû faire deux trois parties et j'ai laissé le truc passer et puis maintenant le jeu est mort. Je suis très très étonné qu'on soit trois. Je pensais vraiment que j'allais être le seul à avoir mon dire à Among Us. Ah non, J'avoue non, non. que le Mongas il revient de loin là. Ouais. Okay. Moi ça serait je pense que ça serait Cyberpunk 2077. Bah forcément c'est le jeu qui a déçu énormément de monde à sa sortie, mais même j'ai joué après sans avoir énormément de bugs. Mais c'est juste que après c'est surtout que c'est pas que je le déteste, mais c'est que c'est pas du tout mon type de jeu et c'est un peu MMO, donc en soi j'aime peut-être pas les MMO. Ah c'est mais, un MMO? Non, c'est un RPG, excuse-moi, j'ai Ah merci. MMO. Oui. Excusez-moi, les geeks. Me porgue. Les gros geekos. Me porgue. C'est un RPG, je pense que j'aime juste pas les RPG. Ah, et t'as pas kiffé. Et je sais pas, il y a trop de trucs dans ce jeu, c'est un bordel. Et je ouais. m'y suis peut-être pas assez intéressé pour. Bon, je suis pas accroché on, en fait. On est d'accord que Cyberpunk c'est style GTA, hein, de ce que j'ai vu. Non, c'est. Il y a plus de RPG, il y a plus de plein de choses. C'est pas exactement comme GTA quand même. D'accord. Très bien. En fait, c'est bien plus compliqué pour plein de trucs. Voilà, et puis surtout, y a eu les histoires de bugs et tout, mais maintenant que c'est corrigé, même maintenant, j'ai pas forcément envie de m'y remettre. Alors que c'est un univers que je kiffe, quoi. Mais voilà. Bon. Moi, j'ai préféré attendre avant de le commencer, tu vois. J'y ai toujours pas. J'ai acheté, je l'ai dans ma Ouais. bibliothèque, j'ai toujours pas lancé, j'attends. Voilà. Moi, j'attends pour le relancer, je ne sais pas que j'ai Peut-être une carte graphique RTX, qui sait? Peut-être, c'est vrai que là, au moins, je pourrais le kiffer à fond. On verra. On en saute quelques-uns, je sais pas, pour lancer un petit Bon, peu, écoute, ouais, choisissant là-dedans. on va virer, tac tac tac tac. Vous saurez jamais, c'est une surprise. Le jeu qui te fait faire popo à ton cucu. Ça, tu veux le virer, je pense. Le jeu. Ça a vraiment Et pas de virer, hein. tout de suite un autre. Si vous avez pas d'idée, vous, les jeux qui vous ont fait le plus peur? Moi, j'en ai Ah, pas. peur! Ah, bah oui. Ah bah oui, non, c'est pas juste... Bah, alors Popo à du ton coup, cucu, moi, non, on parle pas de caca, littéralement. Après... Non, moi, C'est je pense que c'est... Dying Light 2. Ah, je suis le seul à vraiment avoir chié IRL devant un jeu. Aïe, aïe, aïe, aïe, tout de suite, un autre... C'est Bah, nous, on Dying a eu la Light, discussion... Jules... Arthur, pardon? C'était Dying Light? Excuse-moi, Valentine. Non, t'inquiète. Non, non, non, pas du tout. C'est Ah, Théo qui nous saoule parce qu'il veut, il veut qu'on achète Dying Light 2. Et je veux qu'on se chie dessus ensemble. Voilà, et Ah, moi je ok. peux pas, c'est impossible. Ah, t'aimes pas les jeux d'horreur? Bah, j'aime pas l'horreur en général, donc Ouais, ça se comprend. Ok, Valentine, excuse-nous, vas-y, à toi. Non, non, mais après, moi je sais que j'ai eu cette discussion avec Jules tout à l'heure, et en y repensant, je suis assez d'accord, et moi pour moi, ça serait Alien Isolation. C'est Oh, terrible. bah voilà. J'avais le même. C'est. Je ne Ah. peux Affreux ce pas jeu. y jouer toute seule. C'est Autant terrible, hein. les films ils sont très très bien, mais. J'ai jamais eu peur, mais alors là. Mais il est très très fort ce jeu parce qu'il joue sur Mais plein de c'est craintes. l'immersion, elle est incroyable dans ce jeu, elle Ouais. est incroyable. Moi, je peux plus y jouer toute seule, hein. Et Ça, c'est pas c'est. du jumpscare facile en plus, En c'est une plus. ambiance, c'est tout un truc, ça fait monter la tension, comme un peu dans le film finalement, mais c'est vraiment la meilleure adaptation du film, ça c'est clair et net. Oui. Ouais. Et j'avais Outlast aussi moi, en jeu d'ailleurs qui fait vraiment flipper. Donc là, c'est la caméra là? C'est Tu ça? Ah joues. oui, Ouais. oui, je l'avais Et vu, là, oui. pareil, c'est une trop bonne idée de mise en scène de jeu où tu regardes dans une caméra, où tu as des batteries de caméra, où tu as la vision nocturne et tout. Et c'est un des premiers à avoir fait un peu ce genre de bail. Et ultra flippant, je l'ai pas fini tellement il faisait trop peur. Et il est ultra glauque en plus. On voit quand même qu'on est avec des vrais gamers ce soir, parce que personne n'a sorti Slenderman ou SCP Containment Breach, des choses comme ça. Si, moi j'y ai joué, mais quand j'étais au collège, et, j'y ai pas joué quoi. Genre j'ai regardé des gens y jouer, j'ai fait ah bah c'est pas pour moi. C'était mon premier let's play narratif Slenderman. Non non, mais c'est vraiment j'avais un semblant de chaîne avant avec un pote et je m'étais filmé tu vois avec genre un iMac et moi je jouais sur mon PC portable à Slender et je faisais ouais vas-y. J'ai la même, on faudra qu'on s'envoie nos liens Jules. On s'envoie nos liens respectifs. Ça, je suis trop chaud en vrai. Putain, ouais, genre, mais... vous, il y avait vous et PewDiePie à l'époque quoi, c'est vraiment c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et moi, j'en ai vraiment fait plein, par contre, petite parenthèse, mais j'ai fait une aventure Minecraft, j'avais fait la démo de Hitman 2, j'en ai fait pas mal, en vrai. Donc, petite E11, c'est tout en privé, maintenant. Quel palmarès. Évidemment. Et moi, du coup, pareil, Alien Isolation, et en plus, Alien est peut-être ma saga préférée, autre que Star Wars et les évidents, tu vois. Mais ouais, Alien Isolation, une capacité à te faire popo sur le cucu... assez rapidement, et d'ailleurs on en parlait avec Valentine ce matin, on va peut-être je vais le reprendre et elle va me suivre sur Discord en copilote. Ouais. Donc ça, tu ouais, vaut mieux pas y jouer tout seul là. C'est ça. Ah ouais non. Même à deux jours on s'est tué avec un pote. Ouais je pense. Là je pense qu'on va on va pas être bien. Mais filmez-vous, faites un Allez, let's play. Faites un Twitch. Allez, c'est parti. Faites un. C'est comme ça qu'on dit maintenant, non? Ah oui. Bah les jeunes ils disent ça. Le bon, alors, le jeu qui a Jules, j'attends. Là, je voulais le placer juste après ta phrase du coup. Le jeu qui a la meilleure histoire selon vous, donc les jeux plutôt narratifs, on va dire, mais bon, pas forcément en fait finalement. Alors moi le mien, je pense qu'il va plaire à Théo. Faites très attention à vos réponses parce que j'ai un gun sous la table. Waouh. S'il y en a un qu'on sort pas, c'est ça en gros. Ouais, exactement. Si c'est pas une quinte flush royale. Non, j'espère que votre main est garnie. Moi, je rigole pas en fait. Je me permets de commencer. C'est... Ok. Ouais. moi, c'est The Last of Us. Let's go. Il est dedans. J'étais sûr que ça allait te plaire. Ouais, c'est vraiment un jeu, je trouve, qui est parfait en termes de rythme, en termes de personnages, émotions, scénario prenant, mais pas non plus ultra compliqué. T'es très vite dedans et voilà. Et en plus, allié à un gameplay tout à fait sympathique. Voilà. Et une musique incroyable. Les autres ? Eh ben, moi, je pense que. Après, je vais dire la même chose, mais moi, je n'ai pas fini le jeu. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est le jeu qui a la meilleure histoire. Voilà. The Last of Us ? Et moi, moi, c'est vrai que j'avais vraiment le couteau là sous la gorge par Théo parce qu'il me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, j'ai pas trop le choix de dire ça. Les deux. Il m'a offert les deux, c'est vrai. J'ai laissé zéro option. J'ai pas fait, vas-y, on prend le 1 comme ça, si t'aimes bien. On prend les deux direct. Y a pas de. Tu savais où tu l'emmenais. Tout à fait. Et il avait raison. Et il savait où il m'emmenait. Et The Last of Us n'est pas une option. C'est un banger, comme disent les jeunes. C'est un monument. Bah alors, oh là là! Toi Théo qui a l'air d'avoir des choses à dire. Putain, mais The Last of Us. Oui, mais à part The Last of Us, est-ce que t'en aurais un deuxième à nous dire? Putain. The Last of Us 2, je sais pas! Non, en vrai, attends. Horizon Zero Dawn. C'était le deuxième que je pensais que t'allais dire. Horizon Zero Dawn, parce que. Alors, en vrai, il y a peut-être d'autres jeux, je pense, qui me viendront en tête, mais en tout cas, Horizon Zero Dawn m'a surpris. Parce que j'attendais des trucs du jeu, mais un très bon scénario, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, le scénario est très très bon. Je m'attendais pas vraiment à ça, du coup j'ai vraiment eu une surprise en jouant au jeu et en découvrant. Je sais pas si ça parle à tout le monde d'Horizon Zero Dawn. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même toute une narration de ce qui se passe dans ce présent post-apocalyptique, de l'humanité qui se reconstruit, de. Politique entre tribus qui se sont reformées et tout, et toute l'histoire de comment la planète en est arrivée là, et cette manière de jongler à des moments que les histoires se croisent et qu'on comprenne certains trucs font écho avec d'autres et tout, j'avais trouvé ça assez bien ficelé, et les personnages sont trop bien écrits, le personnage principal Aloy est ultra ultra naturel et tout, non c'est, j'ai hâte de jouer aux deux, j'y ai pas encore joué. Et ben, c'est bon vrai, conseil ça. Ce jeu. Arthur, je me demande si t'as pas le même aussi. Moi, ça serait les Dishonored. Dishonored 1 et 2. Après, j'ai pas joué au. Bah, c'est pas vraiment le 3, mais c'est le spin-off avec la... Je sais même plus comment elle s'appelle. Daud ou le truc de... Je sais plus comment elle s'appelle. La meuf, là, qui a L'Outsider. L'Outsider. Ouais, j'ai pas joué à celui-là, mais les 1 et 2, je trouve l'histoire trop bien. Et surtout que c'est des jeux qui sont déjà français. Arkane Studio est même lyonnais, donc c'est encore mieux. C'est la famille. Et en fait, c'est des jeux qui n'ont pas les mêmes fins selon comment tu joues au jeu. Alors après, c'est pas les premiers à avoir fait ça, mais c'est trop bien parce que tu peux même y rejouer et tomber sur d'autres fins qui sont assez deep hein, quand même, faut le dire quand même. Et voilà, c'est des petites pépites les Dishonored sur le monde est trop bien et puis voilà. Et toi, ça serait ça aussi, Arthur, ou t'en avais peut-être d'autres? Non, moi c'est Minecraft sans hésitation. Parce que l'histoire, c'est ta propre histoire. Meilleur scénar. C'est l'histoire d'un mec qui vient de nulle part là, qui finit par buter un dragon. Enfin, c'est insane. On a jamais vu ça, mec. Non. Moi, je pense que, mais ça, c'est parce que c'est un jeu de cœur. C'est mon lore de cœur. C'est, je pense, The Witcher. Witcher. En fait, The Witcher 3, j'ai été assez impressionné par le lien qu'ils ont fait entre le 2 et le 3. Le fait que j'ai bien aimé le côté géopolitique qui reliait les deux un peu à la Game of Thrones, tu vois. Ouais. Et surtout, c'est que donc le jeu m'a donné envie de lire les bouquins, et quand j'ai lu les bouquins, j'ai vu la finesse des références qu'il y avait dans les bouquins, et j'ai fait, mais en fait, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils n'ont pas le droit d'adapter les bouquins, mais ils te font des liens d'enculés, pardon. Ouais, parce que c'est pas une adaptation directe des bouquins, les jeux. Non, c'est la série qui a adapté les bouquins. Eux, ils ont juste acheté les droits de l'univers, mais pas les droits des bouquins. D'accord. Donc ils peuvent pas faire exactement la même histoire, quoi. Donc ils font des références, mais c'est pas du tout l'histoire des bouquins. J'ai trouvé que c'était une très belle suite au livre. Une fois que j'avais lu le livre, j'ai fait, ah ouais, en fait. Ah oui, du coup, quand t'as fait que les jeux, c'est une plus-value de ouf, en fait, les livres, du coup. Ouais, complètement. Oui, c'est pas comme se faire Harry Potter en livre, quoi. Non, c'est une vraie plus-value. Vrai. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser à un jeu auquel je joue actuellement, d'ailleurs. Pas là tout de suite, hein, bien sûr. Ouais, tu pourras te concentrer quand même. Ouais, pardon. Je fais une pause, attendez. Hop, là, voilà. Hop. Je viens de terminer Kena. Je suis insulté par la commu. Jedi Fallen Order, j'ai commencé il y a quelques semaines et je trouve l'histoire vraiment bien, qui se place bien dans l'univers Star Wars et qui est un très très bon jeu. Et voilà, et en plus c'est une histoire un peu inédite quoi, adaptée de rien, qui juste se base sur l'univers et qui sur l'univers un peu étendu du coup. Et qui apporte de la petite fraîcheur à cet univers de Star Wars. Même si je trouve le perso principal ultra chum et surtout la personnalisation de son poncho, qui est la seule personnalisation possible dans le jeu, un peu dommage. Mais le jeu est vraiment très cool et j'ai hâte de continuer à ce jeu. Et apparemment, il y aura un 2, donc je suis content. Ok. Voilà! Eh bah très bien. Oh pardon. Oh là là. Il s'est auto-censuré. La boulette. Et ça c'est beau. Allez, on va roll back, on va recommencer peut-être. En vrai, si je peux me permettre une parenthèse sur le jeu à meilleure histoire, je pensais aussi, et enfin j'y ai pas joué, mais j'ai envie d'y jouer pour son histoire, c'est Zelda Majora's Mask. Qui a peut-être pas la meilleure histoire, mais qui a une histoire ultra originale, je trouve, pour un jeu. Un principe très original à l'époque aussi, ouais. De ouf. Alors du coup je refais la transition. Et non, toujours pas. Tout de suite, mesdames et messieurs, la question est: votre licence ou saga préférée dans le game du jeu vidéo? Alors toi, Arthur, du coup, j'ai l'impression que c'est The Witcher. Il a déjà bien répondu, ouais. En vrai, je sais pas, ça se joue entre The Witcher. T'es dans une cathédrale, Arthur. Ah, je croyais que t'avais fait exprès. En mode le saint qui veut parler de sa licence préférée. Je suis désolé. Non, t'inquiète. Cependant. Je pense que ça se joue entre The Witcher. Attends, ça va. Ça se joue entre The Witcher et Assassin's Creed. Tout simplement parce que c'est les deux que j'ai le plus poncé, je pense. D'accord. Parfait. Toi, Valentine. Pokémon, peut-être. Non, c'est non. Moi, c'est Final Fantasy. Oh. Ah, on les avait pas encore cités, bien. Et t'as fait que le 7? Non, j'en ai fait. Tu as tout fait? Non, je les ai pas tous fait. J'ai fait le 15, j'ai fait le 10, 10-2, que je suis en train de refaire. Et. Bon, c'est déjà pas mal, j'en ai déjà fait 4. Pas mal, parfait. Mais t'as pas fait pour le moment, c'est vrai que. Le MMO là, le 14, je crois que c'est le 14. Non, j'aimerais bien, mais j'ai... en fait, c'est, tu vois, c'est avec les MMO, c'est, il faut que t'aies le temps. En fait, il faut le temps de s'investir dedans, et là, je l'avais pas. Mais là, je l'ai. Mais là, je l'ai. Donc, peut-être. À suivre dans un prochain épisode. Ça crée sa petite magicienne, là. Bah oui, bien sûr. Toujours. Toujours. Toi, Théo ? Alors, moi, j'ai l'impression que je fais toujours des réponses qui durent 15 minutes. Et on a le temps. Hein. En vrai, j'aurais aimé que ma saga préférée soit Kingdom Hearts. Mais malheureusement, le troisième opus m'a beaucoup trop déçu. Pourtant, c'est une saga que j'ai surkiffé. Je me suis de ouf plongé dans cet univers et tout. T'as déçu pourquoi ? Parce que le premier et le deuxième mettent beaucoup en place. Parce que du coup, t'as le. C'est une histoire qui mélange les univers Disney, les univers Square Enix, donc Final Fantasy, etc. et un univers propre au jeu. Et en fait, dans le troisième opus, dans Kingdom Hearts 3, le scénario que tout le monde attend, où on t'a parlé de 15 000 trucs dans les autres jeux précédents, disparaît totalement pour juste être un truc en mode Disney, Square Enix. Et fait, tu passes totalement à côté de la trame qui est rushée à la dernière heure de jeu, où t'es en mode « Allez, on bombarde tout, tous les personnages se rencontrent, tous les personnages se parlent. » Et au final, t'es un peu en mode « Bah, en fait, je savoure rien, parce que c'est bourré de fou. » D'accord, donc, c'est décevant. Mais c'est censé être le dernier de la saga ou ils ont... Non, là, ils ont annoncé le prochain. Ok. C'est gros renouveau de la saga. Gros renouveau, parce qu'on a eu... Il va y en avoir un nouveau et on passe un gap. En gros, là, depuis le premier Kingdom Hearts qui est sorti, on a eu énormément. Il n'y a pas eu 1, 2, 3. Il y a eu 3-4 jeux sur DS. Il y a eu un jeu mobile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux Kingdom Hearts que je n'ai pas du tout tous fait. Moi, j'ai vraiment fait les 3 jeux principaux avec un ou deux jeux de DS que j'avais fait à côté. Et en fait tous ces jeux là c'était le premier arc de Kingdom Hearts et là en fait s'ouvre le prochain arc donc en fait là ils sont d'accord ok non ils sont censés partir pour en faire la blinde encore tu vois c'est loin d'être fini c'est Kingdom Hearts Shippuden qui arrive là. Ouais c'est un peu ça le principe trop bien mais du c'est coup bien. Je suis un peu hypé mais j'ai un peu enfin voilà t'es un peu quand même déçu du 3 ouais okay. Voilà. Donc c'est pas... Mais sinon, en vrai, je pense qu'en termes de... Objectivement, je trouve qu'une des sagas les plus réussies dans le jeu, c'est les Zelda. En termes de... Chaque nouveau jeu, c'est une nouvelle direction artistique, c'est un nouveau style de gameplay. À chaque fois, t'es là en mode, mais ça marche pas, tu prends la manette en main, au bout de 2 heures, t'es en mode, c'est trop une dinguerie, c'est trop bien et tout. Enfin, à chaque fois, c'est la masterclass. On verra ce qu'ils feront de Breath of the Wild 2, du coup. Des grosses c'est sûr que ça vaut pas Pokémon. Ah bah c'est sûr. Bah en vrai je pense que là le jeu pour lequel j'ai le plus d'attente c'est peut-être Breath of the Wild 2 honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir. J'avoue que moi je vais le prendre très très vite hein, je pense. Ouais. Ça vite. Mario Football, novembre aussi, novembre 2026 hein, normalement. Yes. Bien sûr. Bah, j'aurai 43 ans. Ça va être le avatar du jeu vidéo. Ça. J'aurai 31 ans. Waouh. Ça ne nous rajeunit pas. Et Jules, c'est marrant qu'on n'ait pas d'ailleurs cité ces jeux-là. Enfin, ça m'étonne que toi, tu ne les aies pas cités. Moi, je pense ma saga préférée, c'est une des seules sagas que j'ai dû faire dans le jeu vidéo. C'est Portal. Bah, il n'y en a que deux, donc c'est pas bon. Ouais, bon. Non, c'est les Batman Arkham. Ah bah, je ne l'ai pas cité parce que je n'ai pas encore parlé, mais moi, c'est marqué ça. Hein. Et bah voilà, bah, pour moi, c'était ça aussi. Mais attends, on se rejoint sur tellement de jeux. Mais oui, les Batman Arkham, formidable. Mais je te laisse en parler parce que tu en parleras mieux que moi, je pense. Ah ouais, tu prends pour qui ? Bah moi, vraiment, la licence Batman Arkham, ça m'a vraiment, en plus, relancé dans ma hype des super-héros. ça n'a pas été que du MCU et tout ça. Dans ma hype de Batman, ça a même fait que tout est parti de Batman Arkham City, en fait, où j'ai joué, j'ai adoré, j'ai fait les autres. Après, ça, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait une chaîne YouTube où je parlais des origines de chaque perso de Batman, donc Batman, Robin, Riddler, etc. Mais du coup, on demande à voir, en fait. Je demande un veto. Et c'est facile à trouver. Hein. C'était époque, ça date de 2013, je pense que j'ai commencé. Putain, mais mec, attends, ça se trouve, j'ai déjà vu une de tes vidéos. Non, mais c'est facile à trouver. Batman c'est... 2013 sur Google et c'est c'est la même chaîne sur laquelle je faisais les let's play de Minecraft et Hitman, tout ça. Sauf que j'ai viré Hitman et Minecraft, tout ça, et j'ai laissé les vidéos de Batman parce qu'elles faisaient. Mais elles sont très bien en plus. Elles sont vieilles. Oui. vraiment, je les ai tous kiffés, même Batman Arkham Origins, qui n'est pas fait par Rocksteady. Qui est fait par un autre, qui est fait par Warner Bros Games Montréal, et franchement assez propre. Par contre, j'ai un peu le même truc que toi, Arthur, c'est qu'il y a une version mobile pour PSP, pour PS Vita, qui est sortie, c'est Arkham Blackgate, et c'est de la merde en barre, c'est un truc vu de côté, comme pour toi, Assassin's Creed sur DS. Oui. Non, voilà, tout est bien. Vas-y. T'as fait le Batman de Telltale ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, j'ai commencé à display, mais non, je l'ai jamais fait, faudrait que je le fasse. Et ouais, tout est incroyable sur les 4 Batman, là, la DA, le système free flow de combat qui a un peu révolutionné le genre aussi. Tout est trop bien, le roster, tout. Bah, t'as un peu l'impression d'être dans le The Batman qui est sorti au ciné il y a pas longtemps. Ça se rapproche un peu, ouais. Mais il y a 10 ans. Mais voilà. Mais c'est trop bien, l'ambiance est trop folle. Et juste pour en revenir à ta chaîne, elle est quand même trouvable via notre chaîne YouTube Turbourir 2000. Et si tu veux... Attends, quoi Pourquoi oui. Bah, elle est en lien dessus et je couperai ce passage dans le... Dans non, podcast, tu le laisses, mec. voilà, et au pire, j'enlèverai le lien si tu veux, Jules. Très bien. Bah ouais, sur YouTube ou sur Twitch? Je dirais pas. Bref. Je crois que j'ai trouvé. Aïe. Ouais, mais et au pire, juste j'enlèverai, franchement, j'enlèverai le lien. Je vous vois tous sur vos webcams. Mais j'enlèverai le lien avant la sortie de l'épisode si tu veux. Et je suis sûr. Si j'y pense. Et mais ça sera la surprise. Ah, bon, je passe à autre chose là, c'est bon. Allez, c'est bon. Ça sera que pour les 3. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes parce que j'ai genre 12 vidéos à regarder là-dessus. Et 100 000 vues. On va terminer avec la dernière question. Le dernier thème, c'est le jeu ultime. C'est votre jeu préféré. Si vous devez en choisir qu'un seul, c'est pas le même qu'on prendrait sur une île. Eh bah, c'est ce que j'allais dire en vrai. Ça ressemble un peu, mais bah, moi, mais ça a failli pas être le même en vrai. Mais bon. Non, pour moi, ça a rien à voir. Ah, voilà. Okay. Oh putain, excuse Booba. Pour moi, ça a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire, bon, ouais. Ça a rien à voir. Bah, vas-y, ça serait quoi, Théo, alors? The Last of Us 2, précisément. En vrai, c'est une dinguerie. Désolé, il y a tout. Dites-moi un truc qui peut composer un jeu vidéo. Ce n'est pas c'est excellent dans le jeu. Un platformer ? Excellent. Putain. Non, en vrai, c'est trop fort. Genre, l'histoire est folle, les musiques sont folles, visuellement, c'est incroyable. Je suis pas un expert, mais les level design ils sont toujours fous. C'est toujours un peu hybride entre le couloir et le semi-open world. Tu sais toujours où tu dois aller. Le jeu est trop bien pensé. Il est gorgé de petits détails de programmation, de petits trucs, de petits détails à la con, mais qui sont incroyables et qui font la richesse du jeu. C'est un truc de fou. J'écoutais le podcast Fin du Game qui a fait un épisode sur The Last of Us. Ils disent un truc très vrai, c'est que The Last of Us te met sur des rails, mais en fait tu t'en rends pas du tout compte. Tout est tellement naturel dans The Last of Us qu'en fait c'est pas un open world, mais tu t'en fous parce que tout est tellement naturel que ta progression sans te sentir enfermé. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Naughty Dog où tu sens que ça découle de plein de trucs qu'ils ont essayé sur les Uncharted, c'est vraiment t'atteins un truc qui est tellement huge en termes de savoir-faire. Vraiment, enfin genre. En fait, ils maîtrisent tellement tous les outils pour desservir l'histoire qu'ils sont en train de te raconter que genre t'es juste en train de vivre le truc en fait. Et pourtant, c'est pas ma came de base. Hein. L'horreur et tout, c'est vraiment pas ce que j'aime. Hein. Donc c'est vraiment pour moi ils ont. Ouais. Ce que je trouve beau, c'est que t'as commencé avec Crash Bash, donc Naughty Dog, et tu finis toujours avec Naughty Dog. Ça, c'est un peu la saga du cœur. Oh, et ce qui est beau, c'est que tu as vu Uncharted hier et que c'était pourri aussi. Voilà. Ça, c'est beau. Eh ben, écoutez, est-ce qu'on n'aurait pas fini, là? Bah, y a que Théo qui a dit son jeu de cœur, donc vraiment, on n'a pas du tout fini. Permets-moi de... Voilà, on a fini, on n'en parle plus. Bon, bah, désolé, les gars. Vous pouvez pas de c'était un plaisir. C'était un plaisir. Si Gilles en a décidé ainsi... Bon, moi, j'y vais, salut, les gars. Je pense qu'on a pas besoin Théo, de plus. Non, bien sûr. En plus, j'ai envie d'aller pisser, donc faut que j'y aille. Valentine, ça serait quoi, toi, ton jeu de cœur? Bah, je réfléchis, c'est compliqué parce que c'est vraiment Pokémon. Un jeu de cœur avec le... C'est... Hein ? T'as dit quoi ? Les Pokémon, les monstres de poche. Non, et bah non, parce que moi je sais que... C'est... En fait, ça va revenir vers une des questions que vous aviez posées mais qui n'a pas été dite, qui était le jeu avec lequel j'ai un souvenir. Ouais, ah bah oui, c'est vrai, vas-y. Bah du coup, je pense que ça, même si j'y joue plus trop maintenant, ça resterait mon jeu préféré parce que je l'ai vraiment trop poncé, comme poncer ses 20 000 heures sur WoW. Bah moi, c'était le jeu que je ponçais le plus. Et bah je pense que c'était le MMO du Seigneur des Anneaux. Oh, le trop. Ah ouais, je pense, parce que j'ai vraiment saigné ce jeu et j'y joue encore un peu maintenant. Bon, les graphismes sont... Attends, mais comment il s'appelle? Bah Lord of the Rings Online. Ouais. Ah d'accord, mais ouais. Je savais même pas qu'il y en avait. Et tu payais un abonnement et tout du coup, enfin, Non, tu payes pas d'abonnement. En fait, t'as accès à du contenu sans payer, ouais. Mais t'as une partie du contenu que tu peux, genre des quêtes dans certaines zones que t'es obligé de payer pour pouvoir les faire. Mais sinon, t'es globalement oui, t'es voilà. Pas obligé mais parce que de moi, payer. J'avais commencé à y jouer un peu et j'avais l'impression d'être assez vite bloqué si on payait pas des trucs. Non. Mais ce sous, c'est juste une impression que j'avais. C'est juste une impression parce que vraiment, même moi qui retourne encore maintenant, il y a des... Enfin, ils font encore des mises à jour. Moi, c'est ça que je trouve dingue. C'est qu'il y a encore pas mal de joueurs dessus, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça serait mon jeu préféré. Voilà. C'est encore, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Ils te sortent encore des quêtes, plein de quêtes où il faut aller tuer genre 5 sangliers dans la forêt. C'est un truc de ouf. Pour un MMO, non, mais... je trouve c'est. Quel bâtard. T'es vraiment en train de chier sur le rêve de Valentine là. Non, je rigole. Hein, c'est une blague. J'y ai joué. Non, mais sans rire là. Fois. C'est un truc de ouf. On rigole pas là, Arthur. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié que c'était un podcast sérieux. Bah oui, attends. Pour info, Jules, ta chaîne n'apparaît plus sur notre chaîne. C'est pas... c'est moi aussi, j'ai déjà le lien. Éphémère. Putain, on peut souffler. On peut souffler, ouais, bah au moins il y a que... On a dévié un missile nucléaire. Voilà, mais c'est un cadeau juste pour vous trois, les gars. Je la mettrai en commentaire de toutes vos vidéos. Quel bâtard. Bah, j'ai pas eu le temps de la choper, moi, j'ai trop le Ne regardez pas les deux premières. Je te l'envoie en MP. Je te l'envoie en MP. Merci, super. Mais Jules, après, c'est libre à toi de supprimer la chaîne désormais, de retrouver tes codes. Et non, ça fait des vues, peut-être un jour ça me rapportera de l'argent. Ah bah, ouais, voilà. Et toi, Jules, ça serait quoi ton jeu ultime? Mon jeu ultime, bah, c'est Super Smash Bros. Ultimate. Parce que tout ce que j'ai dit avant, absolument tout ce que j'ai dit, le roster de perso. Et d'ailleurs, ça m'amène à peut-être vous poser une autre question. C'est quoi votre personnage de jeu vidéo préféré? Et alors moi je vais vous dire ma réponse et alors c'est Mario. Bah, en fait ça ne peut pas être le célèbre plombier. Ça peut pas être Batman L-U-I-G-I. Du coup. L-U-I-G-I. Mon nom c'est Luigi. Here we go. C'est la fin de Mario. Norman fait des vidéos. Et moi je pense que c'est Lucas de Mother. Et autant j'ai pas beaucoup joué à Mother, mais en fait Lucas il a un bail qui me rappelle trop le moi de quand j'étais petit. C'est un petit garçon. Avec une houppette, un t-shirt rayé et qui a l'air hyper timide en tout cas et qui joue avec des bâtons, tout simplement. Perso, je sais pas, j'ai pas préparé le jeu et mais en jeu ultime, j'hésite entre deux. Bah évidemment, il y a Dishonored du coup qui est une bonne place dans mon cœur parce que c'est un jeu formidable. Oh, Corvo. Et voilà, et du coup je pense au perso de Corvo, du coup forcément qui est très bien écrit, comme tout le jeu. Et sinon en termes de jeu aussi ultime, je trouve que GTA V il est fou furieux. En termes déjà d'histoire avec les trois persos principaux, la map est immense. Et surtout, je trouve que GTA Online c'est trop ouf quoi. Enfin je sais pas si vous avez pu tester GTA Online mais... Bon, okay, que par le RP. Personne. J'ai par le RP de Antoine Daniel. Mais GTA Online, on parlait de contenu mis à jour encore. Là, GTA, ça date de 2013 et ils font des mises à jour très souvent avec des événements bah de malades où c'est toute la map qui change, où c'est un mode de jeu, c'est voilà, c'est fou et c'est toujours mis à jour et on attend GTA 6 et pourtant GTA 5 est toujours aussi exceptionnel, donc un sacré jeu GTA 5 et puis un sacré pilier dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est un peu comme Minecraft, tu le finis jamais vraiment et tu y reviens tout le temps quoi. Bah j'étais à 5, j'ai fini l'histoire. Oui mais je veux dire, tu y reviens tout le temps quoi. Moi aussi dans Minecraft, j'ai battu l'Ender Dragon, c'est bon. Bah je reviens sur GTA Online maintenant, du coup c'est ça l'avantage. C'est, ouais, que c'est une ça. Une fois que t'as fini, bah tu te crées ton perso sur GTA Online et c'est la... C'est un puissant la foire à la saucisse, la foire à la saucisse, oui. J'ai envie de vous dire. La foire à la saucisse. Petite référence. Bien entendu. Et Arthur, t'as dit toi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est complexe. Je pense que pour pas faire de redite avec The Witcher 3... Je vais dire Just Dance, toute la saga. Comme ça, on varie. Non, mais c'est pas une blague, en plus. Et en plus, on les a pas cités, donc c'est... Aïe, aïe, aïe. Et malheureusement, voilà. C'est la fin de cette émission. Non, mais je comprends, en vrai. C'est des jeux Masterclass. Dire, dans, sauf pour non, jeu, mais c'est ça. Moi, c'est genre c'est toute mon adolescence, toutes mes années lycée. J'y reviens encore régulièrement, et voilà. Tu as conservé une forme athlétique grâce à Just Dance. On le voit actuellement. Bah non, parce qu'en fait, maintenant que je vis dans un 13 mètres carrés, je peux plus danser, donc j'ai pris un peu de bide, tu vois. Mais quand je vivrais dans un 150 mètres carrés au pied de Montmartre, ce qui n'arrivera jamais, bah peut-être que je serai un peu plus fit. T'es déjà super. Il a répondu 6 premiers degrés à une blague. Ouais. Et ça sera la fin. Non mais c'est vrai que là je me suis un peu laissé aller là. Bon, j'ai un peu de brioche quoi, c'est que... normal. C'est... Là on sort de l'hiver aussi, alors c'est normal quoi. D'ailleurs, si quelqu'un a un planning diète à me recommander. Et alors qu'on le jugeait pas du tout en plus. Oui, hein, de ouf. Ouais, parce que vous voyez pas mon ventre là. Oh, bon, t'inquiète. Bien. On te trouve très bien, Arthur. Le mien est très bien caché aussi. J'embrasse ton ventre, Arthur. Merci Théo, j'embrasse le tien. Merci. Jules, un petit jingle de fin peut-être? Bien sûr. Voilà, bah toujours le même. Hein. Sinon, j'en ai d'autres. Des missions si très très bien goupillées. On a clos le thème des jeux vidéo, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter maintenant. Sinon, vous taisez à jamais. Voilà. Yes, c'était pas un voltage de Jules, ça pour info. C'est ça que ça. Non, ça vient pas de moi. Hein. Non, non. Non, c'est dingue. Mais j'en ai un. Très bien fait. Bon, on va s'en passer. On va passer à un petit jeu que je vous ai préparé. Ouais. Je m'a été demandé par Jules. Alors, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec la thématique. Je ne sais pas si vous connaissez les sites Vidoléo et ou Memo.me. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est je suis encore dans le thème. Moi. C'est des sites en fait où vous pouvez commander des vidéos de célébrité. Ah oui. Parce qu'on va pas dire vraiment star, parce que vous allez vite comprendre que c'est plus des célébrités genre qui ont eu un moment de gloire. Genre Sylvain Durif. Par exemple. Et dessus par exemple. Bah, je sais bien. Ah ouais. Et donc en fait il facture des petites Sylvain vidéos Durif, pour vous faire un petit. Non, Sylvain Durif c'est vivant et il fait des vidéos là-dessus. Tu confonds avec Régine. Ah mais il y a une... Ok. On les confond souvent. Une putain de fake news du coup alors parce que. Ah peut-être oui c'est vrai. Pardon. Oui, peut-être oui. Tombé ah, là-dessus. Ah oui il y a une fake news oui. Non Sylvain Durif fait bien envie et justement j'ai un de mes collègues qui a eu pour je crois son anniversaire une vidéo de Sylvain Durif via le site Vidoléo. Attends c'est Terracide ton collègue? Non c'est un collègue. C'est quoi ta ref là? Bah ouais, non, mais Terracide a reçu une vidéo aussi, de Sylvain Durif pour son Bah pareil, ils sont sûrement passés sur ce site. Donc, ce site, donc, les personnalités qui sont dessus vous font facturer une certaine somme pour vous envoyer en échange une vidéo de 15 à 20 secondes où ils vous disent bah, bon anniversaire, machin. C'est totalement horrible. Je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des exemples de vidéos sur le site avant de payer. T'écris ça comment? Non, mais alors, n'y allez pas tout de suite, allez-y après le jeu. Très bien. C'est un banger, c'est vraiment. Je vais vous donner quelques exemples, mais juste, si, petite parenthèse, il y a quand même certains, pour se donner un peu bonne conscience, qui font ça pour des assos. Alors, on ne sait pas à quelle hauteur ça donne en pourcentage, mais c'est marqué qu'il y a un pourcentage à une asso, et c'est précisé. Bon. On me la fait pas, moi, celle-là. Voilà. Comme exemple, par exemple, les plus chers, parce que je n'allais pas vous les faire deviner ceux-là. C'est BTS. Non, il y a Samina Seri qui est à 95 euros la vidéo. C'est ultra cher. C'est hyper cher pour quelqu'un qui a perdu grave la cote en plus. Et ben ouais, carrément. Donc il me facture ça 95€ pour une caution. Petite vidéo de 15 à 20 secondes quoi. Et il y a aussi Adel Ben Sherif, et je crois que c'est le plus cher parce qu'en fait c'est pas très bien fait le site, on peut pas trier par, par prix, qui est un acteur de la série Validé qui facture ses vidéos pour 150€. Et sur les vidéos c'est très drôle parce que alors ça ça c'est de ma faute. C'est ce que j'ai fait. Alors je vous explique. J'ai tapé Adel Ben Sherif exactement. Du coup j'ai fait la flèche du bas pour descendre les listes Google. Et qu'est-ce que c'est la flèche du bas? Cette excellente phrase. Mais tu mets vraiment les pires inputs pour tes pour ta soundboard. Bah, flèche du bas c'est. Mais j'ai pas de pavé numérique, vous comprenez? Bah, achète-en un mec. Avec l'argent du Powercast. Et juste pour revenir avec Adel Ben Sherif, juste il vous insulte en vidéo parce que dans son personnage dans la série Validé que je n'ai pas vu est un mec qui insulte les gens, donc vraiment tu payes 150 balles. Attends, mais pour qui, te Adel faire ben insulter. Sherif, t'imagines, tu le sais pas, tu dis ouais, c'est pour mon petit frère en fait, il est trop fan de vous et tout. Ouais, non, c'est ça, et juste il t'insulte, tu fais. Voilà. Bon, bref. Mon petit jeu, c'est un peu le juste prix des célébrités, donc il va falloir deviner à quel prix vous facture telle célébrité. Ça vous va? Oh, je suis trop chaud, c'est trop bien. Chacun va donner son prix et je vous dirai qui est le plus proche. Okay. Et après, on essaiera de En fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est comme Popcorn, c'est au plus proche en fait. Ou alors, c'est comme le juste prix avec Vincent. Le juste prix, ouais. C'est le juste prix en fait, tout simplement. Ouais, c'est le juste prix. Popcorn, il y a déjà le juste prix en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il est chaud de faire une tête? Je me suis levé là. Bill du Big Deal. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je suis prêt. Alors, est-ce que vous connaissez Gilles Verdès, pardon, le producteur de TPMP? Ah, oui, j'adore. Alors, sachant que donc le plus cher c'est environ 95-150€ pour 15 secondes. Hein. 15 secondes. Okay. À combien vous facture la vidéo Gilles Verdès? Alors, tu nous donnes l'info que 95 c'est le plus cher. 95, ça ira jamais au-dessus. Ça ira jamais au-dessus. Y a pas 105 pour. Si, y a 150, mais c'est vraiment exceptionnel, 150. Okay. C'est un des seuls. Genre en France, ça va pas au-dessus. Attends, en franc Adèle Ben Sherif, Adèle Ben Sherif, français. Il est validé, c'est une série française. Non, mais je veux dire, tu vas pas me sortir des dingueries genre Brad Pitt. C'est que. Ah c'est non, non, ils sont pas sur ce site, Brad Pitt, évidemment. Quand je dis des célébrités, c'est vraiment des mecs genre Gilles Verdez. Ok. Et vous verrez le suivant, ça vous mettra vraiment sur. Vous verrez en fait. C'est Stevie Boulet. Je pense qu'il est dessus, Stevie. J'ai pas trouvé, mais je pense. Et il y a aussi, juste pour info, le seul qui est étranger. Enfin, il y en a deux, je crois. Il y a un TikToker. C'est celui qui est tout nu et qui enlève des serviettes. Ah oui. Et y a un truc qui, voilà. Et lui fait ce genre de message sur ce genre de site. Et voilà, il met des petits messages personnalisés sur son corps, ce qui est assez drôle du coup. Et sinon, il y a un des acteurs de La Casa des Papel aussi, qui est genre, mais là, à 200 balles, un truc comme ça, parce que c'est le seul étranger de ce site. Ça fait cher. Voilà. Et sinon, c'est principalement des Français et assez has-been, vous verrez du coup. Et ben, Gilles Verdès, donc, vous dites combien pour Gilles Verdès? Moi, je dis 35€. C'est ce que j'ai dit aussi. Okay. 35 pour moi. 81€ pour moi. Et Arthur? Moi je vais dire 50. C'est Valentine et Jules qui sont les plus proches. Ah ouais? Alors c'est combien? Parce que c'était 40€ tout simplement. Oh là là. Oh mais go choper mon message, j'ai gardé. Attendez, oui voilà, il y avait pas longtemps Doc Gynéco s'était inscrit sur le site parce que quand j'y étais allé, il venait de s'inscrire et il les faisait à 5€ je crois. Et maintenant il a changé de tarif. Okay. Là et, c'est vraiment pour ça combien il est maintenant à ce niveau-là. Devinez à combien il est maintenant le Doc Gynéco. Je sais pas, j'ai une vingtaine. Attends, il a monté ou il a monté ou il a baissé? Bah il a monté. Il a monté, tu peux pas faire en dessous je crois. 25 pour Théo, Valentine. Tu peux pas faire en dessous, t'as dit? En dessous de 5 non, euros. Moins de 5 tu peux pas. D'accord. Je pense qu'il est à 15 balles. Ouais, Arthur. 15 balles tout mouillé. 37,5€. Wow. Et Valentine, j'ai toujours pas compris, Valentine, ce que tu disais du coup. Une vingtaine, et toi? C'est 20 balles. Moi, ouais, 20 balles. 15 balles. Et ben, le juste prix, c'est pour Valentine. 20 balles. Let's go! Bravo! C'est beau. 20 balles pour le doc. C'est mérité. On va changer un peu entre Colonel Riel et Francky Vincent. Vous pensez que c'est lequel le plus cher? Francky Vincent! Ah si Francky, non mais j'ai envie de dire Colonel Riel, c'est sûr, c'est fou. Colonel Riel à 200%, c'est sûr. Moi, Colonel Unreal, je suis déjà un peu étonné qu'il soit. Ah, quoique, non, ça m'étonne pas tant en fait. Francky Vincent aussi. Francky Vincent, allez, let's go. Donc, on a deux Francky Vincent de Colonel Unreal. Trois Francky Vincent. Eh ben, vous avez raison, la majorité. Francky Vincent, 60 euros. Putain. Et Colonel Unreal, vous donneriez combien pour Colonel Unreal? Vous seriez, vous seriez prêt à donner combien? Ah, 2-0. Vraiment, genre, même s'il me donne de l'argent pour que je reçoive sa vidéo, je suis pas sûr de le prendre. Totalement prêt. Non, mais combien vous estimez du coup? Moi, je dis 30. 30. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça, c'est 27 euros. Ouais, 27 euros. C'est précis, hein, je sais pas pourquoi c'est 27. Genre. Ça les vaut, ça les vaut. C'est hors taxe. Ah ouais, c'est pour ça. Bigali, que oh, on connaît bien, qu'on adore bien sûr. Mais il est pas du tout français lui. Bigali. Mais il parle mais français, si, parce qu'il habite à Paris, ouais. Ah, ouais, on pourrait le croiser, les Parisiens là ce soir. Ouais, enfin, non, on pourra pas le croiser, mais non, non, bah, vous pourriez, vous pourriez. Ça, putain, mais Théo, les blagues, sérieux, pas de grossophobie. Ah, ça va pas, non. Donc, à combien vous estimeriez? Au Bigali, un bon 45, moi je dis. Ok, les autres? 42. Waouh. Je vais te préciser. Aux alentours des 45. Moi je dirais 27. Comme Colonel Ayel. 31. Toi, Théo? Combien? 31. 31. Eh ben, Jules a raison, c'est 45. Oh, sérieux? Tout pile. Oh là là, excusez-moi, tout je m'accorde pile, un petit. Voilà. T'as le droit. Oh là là, quelle soirée. Bon son, hein, mais... Quelle soirée. Le groupe Tragédie. On est vraiment dans les trucs has-been. Hein. Et sachant que c'est les deux qui vous font, hein, le même message. Enfin, ils d'accord, sont mais c'est un prix de. Comment dire? Est-ce que tu payes pour les deux du coup? Eux, c'est sûr, c'est encore en France. En quelque c'est sorte, sûr. Du coup, c'est un petit peu plus cher du coup, forcément. Ah, c'est encore plus dur, il faut évaluer. Ouais, 70. 80. 80, ok. Ouais, un petit 65, comme ça je suis au milieu. Ben, c'était 60, donc Arthur et Jules, vous êtes pas très loin. Oh, mais... C'est le prix de Francky Vincent. Hein, c'est moi qui l'ai eu. Ils ont le même tarif que Francky. C'est que pour et ben là, on un en a tragédie, deux qui ont le même tarif d'ailleurs. On en a deux qui ont le même tarif. C'est Matt Houston et Evangélie qui ont les mêmes tarifs. Oh putain. Vous estimeriez. Oui, non, mais on est vraiment dans des stars, hein, quand même. Matt Houston, Je sais pas qui c'est Matt Houston, mais. Evangélie, c'est pas la meuf de Péta. C'est un mec qui faisait du R&B, je crois. C'est un mec avec un chapeau. Et attends, t'as dit qu'ils étaient à combien, Matt Houston et Evangélie? Bah, ils ont le même tarif, donc dites-moi. Ah, faut le deviner. Bien sûr. C'est 25. En fait, le problème, c'est que. Ah ouais. Moi, je vois bien Evangélie être à au moins 40 balles, mais Matt Houston, moins de 40 balles, c'est ça le problème. C'est... Ouais, mais ils ont le même prix, c'est ça qui est fou. À 35 encore pour moi. Moi, je vais dire 45, Arthur. Moi, j'ai dit 25. 25, et toi, Théo? 35. Eh ben non, c'était 50 euros. Mais quoi? On n'oublie pas que c'est une vidéo de 15-20 secondes, hein, bien sûr. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est. Oui, j'ai... Matt Houston, c'est long. 50 balles. ouais, 50 balles, Matt Houston. Ouais. Alors, je connais même pas qui c'est. Hein. Et entre Jean-Pierre Castaldi et Victoria Sylvestre, enfin, je sais plus comment ça se prononce. Sylvestre. Sylvestre. Oh, de la roue de la fortune, bien sûr. Oui, c'est ça, la roue de la fortune. Ouais. Qui est le plus cher? Qui est le plus cher? C'est le chien, non? Qui est plus cher? Jean-Pierre Castaldi, tu factures Astérix contre César, donc Caius Bonus, multiplié par Fort Boyard. Il a fait quoi d'autre, Jean-Pierre Castaldi, en fait? Pas grand chose, le père de Benjamin Castaldi, je sais pas. Achik, achik, achik, aïe, aïe, aïe. Mais il est pas en EHPAD, lui? Népal. Il faut financer l'EHPAD, c'est cher. Bah oui. Donc alors, Jean-Pierre. Lequel est le plus cher? Jean-Pierre pour Arthur? Je dirais Victoria, moi. Victoria, pour ouais, je dirais Victoria Sylvestre. Tu parles pas comme prisée, ça, à mon avis. Moi, je dirais comme Arthur. Jean-Pierre, on a 50-50. Et c'était Victoria Sylvestre. Alors, bah oui, à combien elle est, vous estimeriez? 75. 55. 90. Et Valentine? Ok. 75. Comme moi. Et ben, Théo, à le juste prix, c'est 90. Mais non. Let's go! Quoi? Putain, let's go! Donc, Samina Seri, Victoria Sylvestre, même tarif. Je le sais parce que je l'ai pris! Yes! Il l'adore en fait, c'était ça la révélation de ce soir. Et ouais, et sachant que c'est filmé au portable de merde, hein, vraiment, il n'y a aucun effort qui est fait. Il n'y a pas d'Ari Alexa dans le tas. Mais parce qu'il y a des exemples. Elle est assise aux chiottes, il y a vraiment. Non, mais ouais, voilà. Mais des fois, tu vois qu'il s'oublie d'enlever le rec et genre le portable. Enfin, tu vois qu'il lâche le portable et il dérègle elle, après. Elle répond à son mari au fond du couloir, enfin n'importe quoi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, genre la même vidéo à chaque fois, il y a juste un cut sur le prénom à chaque fois? Merci beaucoup, Michael, pour cette vidéo. J'espère que tu vas très bien. Et Jean-Pierre Castaldi est à 40 euros. Voilà, juste pour. Ah non, mais en vrai, ça vaut le coup, 40 balles. Prise de conscience. 40 balles, ça me semble bien investi, je pense. Dans bon voilà, prix, après vous pourrez traîner sur ces sites là pour trouver le vôtre, votre préféré, hein, si jamais. Et puis, on est vraiment obligé. Je n'y manquerai pas. Non, pas obligé, mais voilà, si vous voulez pour un cadeau d'anniversaire. Et bah, c'est exactement ce à quoi je pensais pour le cadeau d'anniversaire d'Arthur qui arrive prochainement. C'est parfait. Non, okay. Vraiment, s'il te plaît, non. En vrai, Clément, il y a vrai... est-ce qu'il y a quelqu'un sur le site quand tu l'as vu, tu t'es dit ah, en vrai, je pourrais le prendre. Non, il n'y en a aucun. Après, si, en fait. Si vous êtes fan de sportifs, j'allais dire un truc. Il y a énormément de sportifs qui sont là-dessus. Okay. C'est assez drôle. Mais là, ça sert à rien. Vaut mieux les rencontrer en vrai. S'il y a Zidane en vrai, ça, tu peux le prendre à quelqu'un. Non, mais il y a pas même Zidane. Même pour la blague. Zizou tous les jours. Zizou, je rajoute Zizou, un zéro. Zizou, hein. Tu payes. Ouais, je pense. Ouais, Zizou, c'est clair. Ou même une star que t'aimes bien un peu en troll avec quelqu'un que c'est une private. Et Colonel Rayel, tu t'en bats un peu les steaks. C'est vrai. Voilà. Et pour info, il y a Baptiste Tépanette qui est dessus, j'ai vu aussi. Alors, qui est, ah oui, mais aussi, bien du sûr, fameux si, mème. Ah, qui a... Baptiste Tépanette, d'accord, je croyais que c'était mais mon c'est marrant parce que tu vois qu'il a vieilli Tépanette. Et que juste il continue de faire cette merde. Et c'est... J'ai rien pris. Voilà. Incroyable. Très bien. Et bah, les amis, on va terminer avec la dernière rubrique, dis donc. T'as vu, il est bon, j'étais au rendez-vous il est là. Très bon. Ah ouais, il est chaud. C'est la rubrique des recommandations culturelles, comme dans chaque podcast. Hein. Vous n'allez pas dire qu'on plagie encore. Oh merde, hein. De merde. Tu t'avais pas pensé, mais t'inquiète. Ça fait deux heures qu'on fait ça et j'y ai pas pensé. Ouais, moi, je suis pas trop. Paye ton parrain, quoi. c'est vrai. L'actionnaire principal. On passe avant toi, ça te laisse le temps de réfléchir à un truc. C'est ce que vous voulez, un streamer, un livre, un film, tout même ce que des vous trucs voulez. Pas récents, un plat. Quoi. Un plat. Bah, non, si Valou, t'as un truc ? Non. Bah, alors Théo, commence si tu veux. Bah, je vais commencer par une reco d'un album. Le dernier album de Superpose qui s'appelle Nova Cardinal. Ok. Qu'est-ce que c'est comme ce style ouais, ah bah. Alors à la base c'est quelqu'un qui vient de l'électro. Écrit sur clavier. Et qu'est-ce que c'est que ce style. Dites-moi ce que c'est que ce style. Sans board il doit être légendaire aussi. Oui. Non c'est du coup c'est un album qui dure une quarantaine de minutes un peu plus. Donc ça s'écoute assez facilement. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui, à la base, vient de l'électro. Alors, j'ai des potes qui connaissent beaucoup plus son œuvre que moi, mais je connaissais 2-3 sons de lui avant. Mais en fait, là, sur son dernier, il est vraiment plus parti sur des instruments d'orchestre. C'est plus orchestral, on va dire. D'accord. Donc, ça a déjà un peu plus un look, j'aime pas trop le terme, mais un peu plus un look musique de film. Musique, c'est très cinématographique, bref. Alors, juste pour faire une parenthèse, il a fait quand même la BO de 3 films. Hein, je oui, voir, tout à fait. Dont Frères Ennemis de David. Attends, mais tu parles de Woodkid là. Tout à fait. Non, en vrai, il a un. Mais du coup, je pense que cet album doit forcément résulter un peu des expériences qu'il a eues en faisant évidemment de la BO de film. Et c'est vraiment incroyable. Genre, c'est un pur album que je conseille. Globalement, le mood, c'est. Tu tapes une petite dep, mais en même temps ça reste assez léger, c'est assez cool. C'est enfin voilà quoi, c'est ça reste assez léger. Bah ouais, tu sais pas trop. Une déprime légère, voilà. Bon. Envie de mourir, mais en même temps il fait beau aujourd'hui, ce serait con de pas sortir quoi. C'est plus ou moins ça. Non, ouais, je conseille notamment le titre Parabelle, qui est le deuxième titre, qui est vraiment incroyable, qui a un très beau clip sur YouTube, voilà. Eh bah écoute, j'irai écouter, surtout que moi j'adore l'électro et le symphonique, donc c'est parfait. Ça, vraiment, je te conseille. Jeter une oreille. Parce que je le dernier Kendrick Lamar aussi, que tu m'as montré, qui était pas mal. Oui. N95 Dernier clip de Kendrick Lamar qui est incroyable. Si jamais, moi le j'ai. Le premier que tu m'as montré. Vas-y, Valentine, à toi. Eh bien, moi, c'est un documentaire que j'ai vu il y a, je sais pas, la semaine dernière. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le documentaire qui s'appelle La Panthère des Neiges. Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc c'est un photographe animalier, donc si je dis pas de bêtises, Vincent Munier, qui est parti du coup en expédition, alors je ne sais plus quel est le pays. Au Tibet, avec Sylvain Tesson, qui est un écrivain. Et en fait, du coup, ils ont, c'est donc la compagne, si je ne dis pas de bêtises non plus, de Vincent Munier, qui a justement filmé leur épopée, du coup, au Tibet. entre les deux, enfin avec le, bah, entre les deux, voilà. Trop et bien. Du coup, donc il y a eu un documentaire et Sylvain Tesson a sorti également un livre avec du coup les illustrations avec des photos qu'a fait Vincent Munier. Voilà. Donc okay. Moi j'ai commencé le livre, mais j'ai vu le documentaire et le documentaire est très très bien. Et c'est enfin un programme de type télévisuel qui est sous la barre des 2 heures et ça, merci beaucoup. Ah oui, oui. Merci. Ah ouais, voilà. Le fléau de notre génération. Oui. Tous les films durent trop longtemps. Long. Ouais. Et tu l'as vu où au cinéma? Tu l'as. Des... Alors je l'ai raté au cinéma, mais je l'ai loué sur Prime Video. Très bien. Parce que pour l'instant, je regardais, il est pas disponible sur des plateformes pour l'instant. Mais il est si juste sur Prime Video en location, je crois. Qu'il est à 3, ouais. Il est à 3 ou 4 euros. Voilà. Les gens qui connaissent pas Amazon, foncez, c'est lourd, lourd, lourd. C'est la recommandation de Jules. Alors, exactement. Eh ben, Jules, quelle est ton autre recommandation à part Amazon? Eh ben, alors moi, récemment, je me suis refait les deux premiers Hellboy de Guillermo del Toro et plus le remake que je n'avais pas vu. Eh ben, étonnamment, mon verdict, c'est que le remake n'est pas si mal, figurez-vous. J'ai trouvé le remake pas si mal. Ah, j'ai jamais vu. Avec David Harbour. Exactement. Il s'est fait chier dessus à sa sortie. Et alors, bon, c'est pas super, hein, mais je comprends pas qu'il soit fait chier dessus à ce point. Et bon, moi, comme mon appréciation d'un film joue beaucoup sur ce les attentes, et tu vois, si on a dit beaucoup de bien ou beaucoup de mal, t'as un problème en fait? Tu veux qu'on se lève? Non, mais c'est ce que je vois. J'ai vu un plateau de charcuterie passer là. Et du coup, c'était pas si mal. Hellboy 1 est quand même. Un allez. C'est la fin, je suis en train de craquer, je vais péter toute la soundboard. Hellboy 1 un petit peu vieilli, mais sinon. Voilà. Oh là là, non, mais c'est la catastrophe. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun respect pour le podcast là. Quel rocker. Ouais, là, tout part en vrille là. Et le multivers est ouvert. Mais il fait chaud en vrai, on est mort de. Je suis en sueur actuellement là. Moi depuis tout à l'heure. J'ai arrêté mon ventilateur pour pas qu'il y ait trop de bruit, mais je suis en sueur. Et sinon, ma deuxième reco, c'est le groupe Deep Mairies et l'EP qu'ils viennent de sortir. Deep Mairies, qui est le groupe de mon grand frère, qui est déjà passé 2 fois dans cette émission, et même les Deep Mairies sont passés dans cette émission, et ils viennent de sortir leur EP qui s'appelle War of the Run, avec notamment 3 hits et déjà 2 clips qui sont sortis. Et bon, alors peut-être que je suis un peu biaisé parce que c'est mon frère, mais j'aime bien et j'ai écouté vraiment l'EP plusieurs fois. Et voilà, et là, bientôt, je vais partir en tournax avec eux aux United States des Amériques. Et donc voilà, donc c'est peut-être la hype de ça qui me fait d'autant plus apprécier l'album. Je confirme, voilà. L'album est très très bien. Alors que je déteste streamer son frère, sa force. C'est bon. Ouais. Ah ok. Ouais, donc non. Moi je me disais que t'étais peut-être pas objectif non plus, mais bon. C'est... Non. On peut détester l'humain et adorer l'artiste pour le coup. Bah il faut séparer. Non. Pour les Deep Mairies, on peut. Voilà, c'est tout. Exact. Parce que l'humain est abject, mais le son est vraiment top. Le son est vraiment propre et on s'écoute un extrait. Ouais. Voilà. Non, et par contre, Jules, tu disais qu'on termine l'émission avec un son des Deep Mairies, c'est ça? Et oui, voilà, bah on vous passera Jill, je pense, le morceau Jill des Deep Mairies pour fermer cette émission, cette belle émission. Ça sera formidable. Mais ça oui, sera formidable. Alors. Ça vous fera découvrir les Deep Mairies, allez écouter. C'est du miel pour les oreilles. C'est du miel. Arthur, alors t'as vu te lever pour trouver une recommandation? Est-ce ouais, que t'as c'est, c'est difficile. Hein. Sous un coussin. Non, comme reco, putain, et j'avais un truc et j'ai complètement zappé. C'est grave quand même. Est-ce que tu veux que je parle? Est-ce que tu veux de la chaîne YouTube qui s'appelle InDef Ciné? Genre. Si t'en as déjà parlé, c'est pas grave. Je pense pas. Je pense pas parce qu'à l'époque elle existait pas. C'est un ancien assistant cam américain qui a créé une chaîne YouTube. Et qui fait des vidéos et sur les caméras et surtout des vidéos qui sont un peu plus intéressantes sur comment il va prendre un réalisateur et il va dire comment ce réalisateur réalise avec 3 budgets différents. Donc il a pris plein de réalisateurs déjà connus, il a fait des analyses de films, de Joker, des trucs vachement sympas. Et puis sinon, en bouquin, c'est sorti il y a longtemps, mais franchement, si vous avez jamais lu les Scott Pilgrim versus... Enfin, les Scott Pilgrim tout court, en fait... Bah foncez parce que c'est une tuerie. Très bien, bon écoutez, bon formidable. Et moi j'avais une petite roco aussi pour terminer. Ouais. Moi, Marocco, elle a un peu un lien avec bah, le thème. C'est un jeu vidéo que j'ai pas cité d'ailleurs dans les thèmes, qui est plus même une saga désormais. C'est les jeux We Were Here. We Were Here, c'est des jeux qui se jouent exclusivement à deux. Et du coup, on est en train de faire ça avec ma compagne. Et du coup, il y a le jeu We Were Here Forever qui est sorti, qui est le 4, qui est sorti la semaine dernière. Et bah, qui est trop bien, en fait. En fait, si vous voulez tester We Were Here, le premier est gratuit, donc c'est trop bien, déjà. Le deuxième est vraiment pas très cher. Et après, bon, ça augmente de prix parce que ça augmente en qualité, évidemment. Bon, et le dernier coûte 150 euros. Oui, bah voilà, bah, c'est le prix du mec de Smash, de la série de Validé. Bref, c'est trop cool. C'est des jeux avec des énigmes qu'il faut résoudre à deux, un peu comme It Takes Two finalement. Et voilà, après, que dire de plus, à part que bah, là, on est en train de se faire le Forever, du coup, qui est encore mieux et qui a des trucs encore plus cool. Il est voilà. Moins énigme, le 4, ou il est aussi énigme? Il est tout autant énigme, et il change un peu, j'ai l'impression. Là, on est encore un peu au début, mais il tend à trouver encore d'autres mécaniques, et c'est cool. Et t'as même des fins caché parce que bah, je vous dirai pas pour la fin principale, mais tu peux en vrai refaire le jeu et retenter et trouver une autre fin qui est plus agréable que la fin du vrai jeu, du jeu principal, on va dire. Et surtout, tu peux le refaire en jouant l'autre rôle et t'as pas du tout le même. Enfin, c'est trop bien, du coup, t'as une sacrée durée de vie du jeu. Donc, je vous conseille cette saga de We Were Here et au moins de tester le premier parce qu'il est très cool et il se joue très bien et il est gratos. Donc profitez-en. C'est gratuit, c'est super. Ouais, gratuit. Foncez dans tous vos magasins, vos marchands de journaux, allez-y. Oui. Je peux rien vous conseiller de plus. Courez-y. Voilà. Oh. Voilà, le numéro 1, le jeu est sans fascicule chez Hachette. Évidemment. Et le podcast se clôt ainsi. Je vous remercie les amis d'être venus. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Est-ce que vous avez des actus ou pas du tout? Sur le net. Si jamais vous en aviez, je ne sais pas. Théo s'en va. Non, bah, des fois, selon l'alignement des astres, il m'arrive d'allumer un stream sur ma chaîne de gros gamer qui s'appelle Zakra. Et quel est son nom? T'as parlé en même temps, Jules, c'est Zakra. Zakra, tout à fait, Z-A-2-K-R-A. De temps en temps, je lance un stream. Ouais. Mais sinon, pour l'instant, on mijote 2-3 trucs, mais. 2-3 trucs, voilà, de ton côté, quoi, on va dire. Voilà, du travail d'artisan, hein. Ouais, on va chercher. Tu façonnes. Voilà. Tu façonnes de la bonne pierre. Tout à fait. Arthur, toi, toujours pote à Commercy. Pas vraiment, non, pas vraiment. Oh, merde, Commercy, non, bah, ils rentrent plus. Ah mince, d'ailleurs en plus j'étais pas au courant, je suis par désolé, contre voilà, pour mes actus, moi je stream pas, je suis pas sur Facebook, j'utilise pas trop Instagram, mais vous pouvez me trouver mon IMDB, Arthur Denoyel, voilà, voilà. Si vous voulez voir. Mais est-ce qu'il y a une grosse série, non mais est-ce qu'il y a une grosse série qui va sortir bientôt dont une grosse été... série grosse série, non pas de grosse série, désolé, un film qui est à Cannes en ce moment qui s'appelle Les Amandiers et t'as une pub aussi quand même. Une pub. Oui. Ah, en ce moment, je suis sur des pubs McDo. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Peut-être que je me mets dans la merde en disant ça, mais le prochain burger à l'avocat, vous êtes pas prêts. Ah ouais. Bah, déjà que ça avait jamais l'air très bon, les burgers à l'avocat. Voilà. Ça veut dire que toi, t'as vu la version pub des McDo, quoi. Des burgers McDo, quoi. T'as vu la version toute belle. Alors que nous, on aura la version toute belle. Et tu veux savoir, dans les filets aux fiches, c'est de la polenta. Quoi? Oh my god! Comment ça, sérieux? Ouais, bien sûr. Ce que tu vois à l'image, c'est pas des filets aux fiches. C'est de la polenta, mais c'est souvent pas le même produit. Ah oui. Non, mais pas dans les vrais sandwichs que tu mais manges. Non, mais non, je croyais qu'il y avait une arnaque. Je me dis, mais c'est impossible. Mais non, mais juste ce que tu vois à l'image, c'est pas leur filet aux fiches. Mais je me suis fait avoir, je suis complotiste là. C'est bon, ça. Dès que tu sens un complot, tu sautes dedans. À pieds joints. La tête la première sans mouiller la nuque. Jusqu'au coude. Et toi, Valentine, à part Overwatch, on peut pas te retrouver ailleurs. Moi, tu sais, je suis intermittente, je travaille, et puis après, bah là, je joue quand je suis en vacances, quoi. Mais t'as des gros trucs qui vont sortir. Attends, t'as pas un IMDB ou quoi? Non, j'ai pas de IMDB, et la série qui va sortir sur laquelle j'ai bossé, là, pas ouf. Donc non, ah, je la conseille bon, pas. Donc vaut mieux pas la conseiller. Oh, okay. Non. Bon, c'est pour ça que je l'ai pas reco. Hein, c'est mais il faut bien travailler. Et c'est cool déjà. Faut bien ramener de la moula. Hein. Bah bien sûr. Comme on dit. Comme on dit si bien. Comme disent les jeunes et eux, c'est l'enfoiré. Oui, c'est que les deux. Yeah. Voilà, les autres, les jeunes, ça englobe beaucoup, donc... eh bien, écoutez, nous, Jules, en tout cas, on nous retrouve, comme d'hab, Insta... Prochain PowerCast, hein. Prochain PowerCast, par exemple. Voilà, hein. rien de bien plus. Turbo Rire 2001. Turbo Rire 2001, notre prochaine chaîne, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous dis encore une fois merci les amis d'être venus ce soir, enfin de vous être déplacés jusqu'à votre PC. voilà, j'espère aussi que ceux qui nous écoutent, ça vous a plu, que vous avez écouté jusqu'au bout. Bien sûr que oui. Du coup, on se quitte avec un titre des Deep Mirrors. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Jules. Salut Clément. Et salut à tous. Commu. Des bisous les copains. Bisous tout le monde. Allez, on lâche la sonde bord, allez, on y va. Allez. Tu sais qui est. Allez, salut. Ciao. That's my light turns on, yeah. Cause the voice fade out as I run away. I could never be what you want me to be. Cause I'm with fun. That's my light turns on. That's my life, just on it.